Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, qui rentre dans votre cerveau, qui bidouille 2-3 trucs et après vous aimez encore plus le jeu vidéo. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors ça y est messieurs, c'est le dernier épisode de la saison régulière, deuxième épisode du mois de juin. Après, comme d'habitude maintenant, c'est une habitude parce que ça fait 5 saisons que l'été, on se retrouvera juste pour un seul épisode en juillet, un seul épisode en août. On va lever le pied, ça y est, même là, dès après cet épisode, on va avoir un petit break là d'un mois, ça va faire du bien. La fatigue est quand même présente, on va pas se mentir, il est temps de prendre un petit break. Ça va ouais, l'année est assez chargée. Oui, hein. oui, on va être... Elle est très, très loin d'être finie. Oui, et ouais, c'est sûr que là, après, le programme pour la saison 6 va être assez intense. Il y a plein de choses qui se préparent d'ailleurs hein, pour cette saison 6, on vous en reparlera d'ici là, bien sûr. Teasing. Mais voilà, déjà, les invités, ça c'est sûr. La prochaine blacklist, ça aussi, il y a des choses qui sont plus ou moins calées. Et puis, peut-être qu'il y aura encore des choses. Voilà, il y aura des choses. Je ne sais pas, peut-être, il y aura des choses, mais vous serez au courant quand il faudra. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Psychonauts 2. On va revenir sur la genèse de cette licence, sur le développement compliqué de ce second épisode, ce qu'il tente de faire, ce qu'il réussit un petit peu moins. Et puis, bien sûr, on parlera beaucoup de psychologie parce que nous sommes des experts en ce domaine. Voilà, évidemment. Ceci est du second degré. Mais avant ça, on va remercier notre sponsor, c'est Top Achat. Top Achat, c'est un site de vente en ligne de matériel informatique, de composants, de périphériques, de plein de choses. Et c'est surtout le site idéal si vous voulez monter votre propre bécane, notamment déjà parce qu'ils ont des outils pour ça, dont le Cofigomatic, mais aussi parce qu'ils ont vraiment une sélection de composants qui, on le sait, vous permettront de trouver votre bonheur. Alors après, évidemment, l'aventure de se fabriquer son propre PC, c'est un délire. Il faut avoir les connaissances, il faut avoir les bails. Certains et certaines d'entre vous, on le sait, ont les bails, on sait que vous pourrez être en autonomie. Moi, pas du tout. Voilà. J'étais ravi, tu vois. Je disais certains aux gens qui nous écoutent. Je ne disais pas autour de cette table. Je sais que nous, on n'a pas les bails. Non, mais tu sais, tu vois la facture de ton PC, puis à la fin, tu vois juste la ligne genre montage, machin, par Top Achat, et tu regardes, c'est pas excessif. Tu te dis, bon, oui. Bah oui, je vais prendre ça. S'il vous plaît, faites-le à ma place. Merci beaucoup. Et même sans parler de montage, en fait, c'est vraiment aussi de choisir vraiment les bons composants. Et là aussi, encore une fois, ce qui est cool avec Top Achat, c'est qu'ils sont super réactifs sur les réseaux sociaux. Peu importe vos réseaux de base, vos réseaux de cœur, ils y sont. Vous pouvez les trouver et voilà, il y a vraiment des gens qui sont là pour vous accompagner dans le choix des composants, donc n'hésitez pas à les pinguer, à leur demander des conseils si vous en avez besoin. Moi encore une fois, c'est un truc qui m'impressionne un peu, tu vois, ça demande un vrai travail émotionnel de se lancer dans la construction d'un PC, donc voilà, n'hésitez pas à vous reposer sur Top Achat, ils vous accompagneront pour que vous ayez votre petite bécane là pour vous accompagner l'été, le petit ventilateur voilà qui fait bien le travail pendant que vous jouez à votre jeu en caleçon. Pendant que ton CPU est à 75 degrés. Exactement. N'hésitez pas à demander pas de thermique, water cooling et compagnie. Exactement. Voilà. Tout est possible. Voilà, vous êtes en petit Marcel et short ou après vous vous habillez comme vous voulez. Voilà, profitez. Mais cet hiver, vous serez bien. Voilà. Vous serez bien. Très bien. Et on les remercie de sponsoriser Fin du Game. On est toujours trop content de ce partenariat. On va pouvoir attaquer l'épisode. Benoît nous a choisi des petites musiques que Maxime intégrera au montage. Et puis, on se retrouve juste après ça. Lost alone, neither skin nor bone. Just a thought is all I've got. Now my covers blown. At the bottom of a lake of frozen feeling. When my friends pulled me back up, I started healing, healing. Now I can feel out the galaxy and hear the flow of time. Been so tense, but now I sense a reason to. Cosmic eye. magic keys. They fill the holes I've had. Unlocking all my memories, which I never. Senses are the magic keys. They fill the holes I've had, unlocking all my memories, which are never, never bad. Alors, Psychonauts 2, c'est sorti le 25 août 2021 sur PC, sur console Xbox et PlayStation, c'est sorti partout. C'est développé par Double Fine et c'est édité par Microsoft sous la houlette des Xbox Game Studios, puisque, on le rappelle, on en parlera d'ailleurs dans le contexte que Double Fine avait été acheté par Microsoft voilà, en 2019-2020. C'était un peu moins cher qu'Activision Blizzard, mais quand même. c'était un bon rachat. Mais acheté. Mais acheté. Par contre, voilà, ça, au moins, voilà, c'est fait. C'est acté. Exactement. C'est vrai que. C'était voilà, plutôt simple. Voilà, c'est ça. C'est vrai que quand on gage des plus grosses sommes comme ça et que la concurrence se pose. Ah, tout ça, c'est chez vous maintenant. Oui, c'est comme ça. On va revenir évidemment sur sa création et on s'était dit que ce serait cool quand même de faire une petite histoire accélérée de Double Fine parce que bon, c'est un studio qui est quand même important en fait. Même... Ils ont une vingtaine d'années maintenant. Exactement, exactement. Puisque ça a été fondé en 2000 par Tim Schafer. Et là, par contre, on va peut-être pas revenir sur tout le parcours de Tim Schafer parce que là aussi c'est gros et surtout qu'on s'est dit qu'on le ferait peut-être plutôt à l'occasion de l'épisode sur Monkey Island. Oui, parce que là, même si la blacklist n'est officiellement pas arrêtée, terminée, voilà, tant qu'on n'a pas parlé de Bioshock Infinite, les votes sont toujours en cours. Exactement. Maintenant, il a tellement d'avance. On ne sait pas qui pourrait le rattraper, on ne pense pas. En tout cas, si, d'ailleurs, vous pouvez toujours rejoindre le Discord hein, si vous voulez venir voter pour la Blacklist. Mais a priori, on parlera de Monkey Island en saison 6. Je veux dire, au pire, est-ce qu'il y a Grim Fandango en face ou je confonds avec une autre? Si le deuxième votiez Monkey Island ou Grim Fandango, vous aurez droit à Tim Schafer, l'histoire de Tim Schafer. Mais juste très brièvement, voilà, Tim Schafer, un des pionniers, en fait, une personnalité importante du jeu point and click des années 90. Voilà, de ce petit groupuscule de gens chez LucasArts qui faisait des jeux vidéo avec Ron Gilbert, notamment, qui est derrière Monkey Island. Mais aussi Maniac Mansion, etc. Et du coup, il s'est fait connaître Tim Schafer voilà, pour sa personnalité, son écriture, son aussi, style. Surtout, voilà, vraiment, parce qu'il a un style d'écriture assez particulier. Et donc, il quitte LucasArts en 2000 pour fonder du coup, son propre studio qui va s'appeler Double Fine. Et c'est juste après en fait, que Grim Fandango, qui est un jeu qui est très apprécié, en fait, lui, il s'était gaufré hein, à l'époque. Ça avait pas marché du tout. En 98, Grim Fandango. De toute façon, LucasArts, là, ils sentent un peu le vent tourner. Hein, c'est-à-dire que la grande époque du point and click est sur le déclin. La 3D arrive de partout et du coup ça fait partie de ces styles de jeux qui sont un peu tombés en désuétude jusqu'au évidemment retour des jeux indés, mais on en reparlera d'ici peu. Et oui, justement c'est intéressant que tu parles de ça parce que quand Tim va fonder Double Fine, il va être rejoint par d'autres personnes de LucasArts et tout de suite ils vont s'embarquer dans la création d'un jeu 3D et d'une démo qui deviendrait celle du premier Psychonauts. Ça a été un développement qui a été très très très compliqué. Évidemment, il y avait cette ambiance un peu de camaraderie, de voilà, c'était pas la startup mission, mais voilà, c'est des gens, des créatifs qui se réunissent, qui en plus ont une certaine vraie liberté créative, qui peuvent se lancer sur un projet qui leur tient à cœur. Donc bonne ambiance, voilà, ça mange des pizzas, ça, mais ça dort aussi un petit peu au studio parce qu'en fait, bah ça fait des horaires de bâtard, ça travaille 18 heures par jour. De toute façon, c'est la culture californienne, tu vois, de l'époque de le jeu vidéo, il y avait cette ambiance et eux particulièrement, ils étaient dans ce délire un peu, tu vois, jeu vidéo et rock'n'roll un peu quand même. Et sauf que rock'n'roll en fait, ça veut dire crunch. C'est ça. En fait, on croit que c'est des guitares et des mecs qui font des petits signes genre alors en fait, trop bien, on travaille jusqu'à 2h du matin et je dors 4h, mais bon, il y a des pizzas donc c'est quand même vachement cool. Déjà, tu vois, c'était donc un platformer 3D, ce qui est un genre relativement simple et populaire à l'époque. Ils ont mis 5 ans, tu vois, à le sortir. Donc déjà, c'est le signe que ça se passait pas forcément bien. Après, c'est des gens aussi qui ont dû apprendre à le faire. On disait Tim Schafer, lui, il vient du point and click, donc un platformer 3D, c'est pas forcément sa cam. Et c'est pas un Tecos en plus. Enfin, clairement pas. C'est vraiment un créatif, quoi. De toute façon, c'est ça. Et ce qui va aussi infuser dans Psychonauts, c'est vraiment l'écriture, le style Tim Schafer. Exactement, ça va rester. Mais voilà, ce besoin de faire un nouveau style de jeu pour cette équipe, des gens qui venaient de LucasArts, ça a été compliqué. Et c'est vrai qu'on, quand on leur demande, c'est oui, c'est des bons souvenirs, oui, la camaraderie, mais plus jamais ça, quoi. Vraiment plus jamais ça, quoi. C'est des gens qui ont vraiment souffert, des gens qui sont sortis en burn-out. C'est, voilà, des créations de jeux, comme on en parle souvent dans l'émission, des gens qui en sortent vraiment cramés. Mmh. Et Psychonauts a été un de ces jeux-là. Surtout que le jeu, il n'a pas hyper bien marché. Il y avait une petite, pas une légende, mais il y avait un discours à l'époque de la presse, ça disait c'est le meilleur jeu auquel vous n'avez pas joué. Ça, on le voit dans le documentaire sur Psychonauts 2, et ce qui repart. Ils reviennent un peu sur le premier parce que le chiffre qui tournait c'était environ 100 000 ventes. Tim Schafer dit qu'en réalité c'était plutôt 400 000, donc c'était pas une catastrophe, mais oui, ça n'a pas hyper bien marché, et pour plusieurs raisons, tu vois. Comme on a dit, déjà il sort en 2005, et platformer 3D en 2005, ça commence à être compliqué. En 2000, c'était une bonne idée. Et en 2005, t'as déjà eu les Spyro, les Ratchet & Clank. Ouais. Ah oui, déjà, ça marche encore. C'est juste qu'en face, t'as un catalogue qui est super fourni. Et on est à un an de la sortie de la 360. Donc, on est déjà en train de parler de HD, on est déjà en train de parler d'Internet. Enfin, on n'est déjà plus dans l'ère du platformer 3D. Parce que, bon, voilà, c'était un genre qui était vraiment à son apogée, fin de la PlayStation 1, début de PlayStation 2, quoi. Et puis, il y a quand même une direction artistique qui est particulière. Enfin, voilà, l'univers, tu vois, c'est... Parce que c'est un jeu plateforme, c'est pas vraiment une mascotte, tu vois, il a quand même une tronche un peu bizarre, c'est pas juste un petit dragon ou un petit bandicoot mignon. Il y a un truc un petit peu différent, donc... Et puis, tu vois, les mascottes, c'était très pensé pour les enfants. Psychonauts, c'est un jeu qui a un peu les pieds dans les deux mondes, parce que c'est aussi des jeux qui parlent de thématiques un peu plus adultes, qui c'est quand même beaucoup plus... en termes d'écriture, c'est beaucoup plus subtil. Donc voilà, ça a été compliqué, et même bon, 400 000 ventes, c'est pas beaucoup, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, au début, Psychonauts, c'était un jeu qui devait être une exclusivité Microsoft, parce qu'ils avaient noué un partenariat pour fournir en jeu la première Xbox, et puis au final, c'était pas fait, il est aussi sorti sur PlayStation 2, et bon, en 2005, des PlayStation 2... Il y en a eu deux ou trois de vendus. Voilà, il y a un stock globalement, il y a quand même un parc installé qui est assez massif. Puis on disait ça en rigolant dans la préparation, mais je veux dire, le moindre jeu... un peu à la noix, tu Barbie, vois, Barbie ou je sais pas quoi, se vendait plus que 400 000 exemplaires sur PlayStation 2. C'était vraiment la poule aux œufs d'or pendant quelques années, quoi. Et c'est vrai que Maxime, quand même, tu disais que voilà, c'est tu vois, la presse, le narratif, c'était un peu le meilleur jeu auquel vous n'avez pas joué, parce que c'est un jeu qui avait été très bien reçu, néanmoins, même si sur le côté plateforme c'était pas impeccable, et bon, c'est déjà quelque chose qui peut annoncer ce qu'on raconte dans l'épisode. Tu sais qu'avec le recul, je pense que c'était moins pire dans le 1 que dans le 2. Ça commence à ça. Ah ouais, on a sorti les pistolets, quoi. En contexte, on remet le contexte. Parce que moi, je l'avais fait du coup sur Xbox. Voilà, je faisais partie de ces gens qui avaient acheté une Xbox de case. Moi, j'avais bien aimé. J'avais passé un très bon moment sur le 1, effectivement. C'est un jeu qui est devenu culte de toute façon avec le temps, et ça, on aura l'occasion de le redire. Et puis voilà, donc ça sort en 2005. Et puis Double Fine, après, va entamer ce qui va devenir son véritable fonctionnement, en fait, ce studio, parce que c'est un studio qui crée plein de projets, en fait, qui aiment bien avoir... Il y a plein de créatifs, de choses qui se passent et qui donnent naissance à des projets différents, et ils vont pas seulement faire des gros jeux comme ça, il y aura aussi plein de petits jeux avec des scopes beaucoup plus réduits, des jeux qui vont sortir en premier sur navigateur, parce que c'était encore un peu l'époque, à la fin des années 2000. Après, il y aura aussi d'autres jeux qui vont sortir à l'époque du Xbox Live Arcade, du PSL, etc. Notamment, là, qui était une espèce de jeu de puzzle plateforme où on jouait à plusieurs personnages, qui était vachement sympa. Donc c'est un studio qui va être quand même assez prolifique, en tout cas sur le nombre de jeux produits, mais après il y aura quand même toujours cette envie d'avoir au moins un gros projet, celui qui va essayer de se nourrir de toute la force vive du studio, des gros projets qui sont financés par... aussi en avant l'image en fait, tu vois, de Double Fine, parce que assez tôt ils cultivent un peu ce côté un peu différent, c'est-à-dire qu'eux ils faisaient un peu du jeu indé avant le jeu indé entre tout guillemets, à fait. Tu vois, ils avaient déjà ils ont ce statut-là en fait parmi les gros studios, et ouais, on l'a dit, avec des jeux là qui sortaient sur les Xbox Live Arcade, etc. Mais bon, leur gros projet qui va être fait cette fois-ci en partenariat avec Electronic Arts, ça va être Brutal Legends. Mm-hmm. Je sais pas, vous l'avez pas fait, vous non. deux, je crois. Non, mais je vois carrément ce que c'est, parce que c'était l'époque où je ponçais vraiment la presse JV dans tous les sens, donc j'étais au courant de tout ce qui sortait. Et c'est vrai que c'était un jeu qui était notamment. Ça, c'est 2009, je pense. Oui, c'est 2009, tout à fait, en partenariat d'ailleurs à Jack Black qui va incarner. Le personnage principal. Exactement. Avec une amitié qui va certainement se nouer à ce moment-là, puisqu'il reviendra très régulièrement dans les différents projets de Double Fine. C'est lui qui chantait dans la chanson tout à l'heure. Et exactement. Et donc c'était une sorte de... Il y avait un côté beat them all, on était un peu dans ce délire-là, et mélangé avec un délire Pikmin, puisqu'il y a des métalleux. Moi j'appelle ça Pikmin, c'est ça, mais... Stratégie en temps réel. Stratégie temps réel, mais moi je trouve que ça fait penser à Pikmin, parce qu'en fait c'est ça, tu ramasses des métalleux en train de faire du headbang avec leurs doigts en l'air, et tu les envoies en fait taper des ennemis. C'est ça. Et il y a des combats sur des voitures, etc. Enfin, c'est un jeu qui est assez barré, Brutal Legend, qui parle beaucoup d'histoire de la musique, en fait, qui parle beaucoup de musique, puisqu'en plus, il y a des caméos assez rigolos. On le disait dans la préparation, mais il y a Slash, il y a Lemmy. Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister. Lemmy aussi, qui prêtait carrément son visage et sa voix. évidemment, toi, un expert en rock. Ah bah, c'est ma cape. Voilà. La phase B de la cassette des musiques de Tony Hawk, que n'écoutez pas. Exactement. Que n'écoutez pas, Hugo. Mais bref, c'est un jeu qui, tu vois, c'est pas un grand jeu, mais c'était assez intéressant. Et pareil, ça a eu une bonne réception critique, mais en termes de vente, c'était compliqué. Encore une fois, très compliqué. Et surtout, c'est toi qui le disais, Hugo, pendant la prépa, c'était cette période-là, en 2009, il y a eu quand même beaucoup de jeux qui sont sortis un peu sur le même créneau. En fait, fin 2009, début 2010, t'as Dante's Inferno qui sort, je crois qu'il y a un God of War aussi qui sort. Et, Judgment. Il y avait aussi d'autres beat 'em up, tu vois, je sais pas, il y avait des jeux Wolverine, des trucs comme ça. Non, c'est même God of War 3 qui sort à peu près à ce moment-là, c'est 2008, je crois. Ah, God of War 3 ? Ah ouais, putain, peut-être. Bref, oui, donc tu te rends compte, c'est vrai que Brutal Legend, tu mets ça à côté de God of War 3, bon voilà, il y a un petit peu moins d'ambition. Surtout quand même. Comme on l'a dit, c'est un peu hybride, il y a une anecdote rigolote où Tim dit, tout le département marketing lui disait, ne dites pas qu'il y a de la stratégie en temps réel, ça, voilà, c'est plus du tout un genre qu'on met en avant, sauf en Allemagne, dites-le pour les Allemands, ils aiment bien. Oui, c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est assez drôle quand même. On salue nos amis allemands qui nous écoutent. Et de pas loin, ils sont juste à côté. Ils sont là, à côté. Là, ouais. Je pense qu'il y en a peut-être même qui nous entendent là actuellement. Voilà, donc Brutal Legend qui va être compliqué, et en fait qui va plonger Double Fine dans une nouvelle ère, à la fin des années 2000. Il y a ce truc là, ce jeu là qui est compliqué à vendre et pourtant dans lequel Tim Schafer avait mis beaucoup de lui-même et tout, avec l'envie de faire plein de trucs un peu barrés, et ça va pas forcément fonctionner, et ça va être un nouvel arc pour Double Fine. Ça va être un arc qui va commencer avec Kickstarter, avec le projet qui s'appelle à l'époque Double Fine Adventure. Voilà, Tim Schafer, ça va être un des premiers à se mettre quand même là sur cette plateforme de crowdfunding, et ce financement-là très précis, il va avoir un écho particulier en fait dans le jeu vidéo. Il va être un peu marqueur de l'histoire de ce qui s'est passé sur Kickstarter. C'est un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à remettre en contexte. En gros, donc fin des années 2000, c'est le début effectivement des jeux indé, Xbox Live Arcade, etc. Début des années 2010, c'est la montée en puissance de Steam qui commence à ouvrir les vannes en grand pour que tout le monde puisse venir faire ses jeux. 2012-2013, c'est un truc un peu moins drôle qu'on appelait le Gamergate, qui a marqué toute cette période-là par une grosse vague de haine et de harcèlement envers les femmes dans le jeu vidéo et les développeurs de jeux vidéo et la presse aussi en second plan. Et en fait, à cette époque-là, il y a aussi cette envie de remettre en avant des vieilles gloires du jeu vidéo et de mettre en fait un petit peu en responsabilité les joueurs et les joueuses en leur demandant du blé. Et c'est un peu ça en fait l'idée derrière Kickstarter. Et c'est vrai que du coup, ils ont lancé leur idée de Double Fine Adventure, qui était donc à la fois créer un jeu et créer un docu. Ça, c'était Max qui me l'a rappelé, de la création de ce jeu, faire une espèce de gloubli-boulga mélangé de tout ça. De mémoire, je crois qu'il demandait peut-être 400 000 dollars, un truc comme ça, et de mémoire, c'était genre 300 000 pour le jeu et 100 000 pour le docu. Et l'histoire ensuite, elle s'écrit, ils ont récolté 3,3 millions de dollars, ils s'y attendaient absolument pas. Mais le truc, c'est que eux, ils se disaient au début, ils n'avaient pas précisé exactement ce que serait le jeu, ils étaient plutôt point et click, Tim Schafer, donc comme tu as dit, le côté un peu nostalgie, on refait vivre des légendes. Mais eux, ils se disaient dans leur tête, ce sera peut-être un jeu mobile, ce sera peut-être un jeu voilà, un petit jeu, un petit truc, mais avec 3 millions, ah, on peut faire des trucs plus gros. Donc en fait, là, ils partent pour le rêve, entre guillemets, faire un vrai point and click, entre guillemets, un vrai. Mais ça s'est pas hyper bien passé non plus. Comme dit, le scope a pris de l'importance, ils ont mal vu le truc, ils ont fini par ne plus avoir d'argent, donc ils l'ont sorti en deux parties. Il y avait une première partie du jeu pour pouvoir financer, en fait, la deuxième qui était mise en vente pour les gens qui n'avaient pas soutenu. Ça a été mal pris, comme tu le disais, ouais. Tu vois, il y a plein de joueurs sur les réseaux, sur Internet, qui sont mis à faire un peu la chasse aux sorcières, hein, vraiment à leur gueuler dessus, à faire savoir qu'ils étaient pas contents. Mais finalement, bon, avec le temps, ils ont fini par sortir la partie 2. Oui, Broken Age est sorti, part 2 est sorti, et puis bon, bah, surtout entre temps, Kickstarter a commencé à prendre de l'importance, et il y a eu tout un tas d'autres projets qui sont passés par là, et il y a eu toute une phase d'éducation en fait et de pédagogie avec Kickstarter où les gens en fait ont fini petit à petit, c'est pas encore clair, mais à mieux comprendre les enjeux d'un Kickstarter, et comme son nom l'indique, c'est pas, ils vont pas financer l'intégralité du jeu. C'est un jeu, ça coûte beaucoup plus cher que 3 millions. Même Shenmue, qui avait récolté je sais pas combien, ça représentait oui, qu'une bah, fraction. On savait que c'était, et c'était on rien. Savait que c'était compliqué, parce ouais. qu'en plus, bon, le jeu à l'arrivée, voilà quoi. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a eu en fait toute cette période, comme tu dis, c'est un arc Kickstarter ouais. assez particulier où bah, les gens ont appris un peu plus à connaître l'envers du décor du jeu vidéo, et ça a permis bah, de remettre en fait sur le devant de la scène tout un tas d'anciens genres. On en avait parlé avec les jeux de rôle là récemment, quand on parlait de l'Ariane, etc. Et bah, notamment les point and click, il y a eu des jeux de stratégie, enfin, il y a eu plein de trucs en fait qui étaient un peu tombés en désuétude, qui ont pu revenir là-dessus. Sachant que Double Fine, ils sont partis monter leur propre boîte de financement participatif oui. avec les gens qui avaient fait Pillars of Eternity, ouais, si je dis pas de bêtises. Obsidian, hein. du coup, c'est Obsidian, Obsidian, c'est ça. Ouais. Et ils avaient monté une plateforme qui s'appelait Fig. Voilà. Tout à fait, ouais. c'est ça. Ou bah du coup, mais t'as pas le cut Kickstarter, hein, c'est qui se met tout l'argent. Mais il y a un délire aussi où tu peux donner plus d'argent et t'es investisseur, je crois. Tu peux avoir des retours sur investissement. Ah ouais je crois que c'est un peu, je crois que c'est un des trucs différents. C'était il y a 10 ans. De toute façon, ce qui est intéressant quand même avec Double Fine, c'est qu'au-delà de tous leurs trucs créatifs, ils ont vraiment, tu sais, on disait que c'était un peu des indés avant de faire de l'indé, mais c'est des gens qui ont toujours été, ont eu envie de bouger les choses, de dire, faut qu'on trouve des moyens pour faire nos jeux, quoi. Il y a vraiment, il faut qu'on se démerde, il faut qu'on arrive à créer des modèles et tout. Et ils ont un peu cette figure de proue, même dans le jeu vidéo indépendant. C'est eux qui ont initié des trucs comme Day of the Dev, où ils essaient de créer une espèce de mini-conférence où des créateurs et créatrices indépendants peuvent montrer leur jeu, une espèce de truc à eux, quoi. C'est aussi un studio dans lequel ça fait beaucoup de game jam, où ça produit aussi des micro-jeux, d'autres trucs qui sortent. Donc c'est un studio qui a une identité un peu particulière, et Tim Schafer, il est créatif, mais voilà, il s'occupe aussi de plein d'autres choses, et le côté un peu biz dev de Double Fine, ça fait partie aussi de leur identité. Pour prendre conscience du truc, parce qu'on a cité que les gros jeux, donc Brutal Legend et Broken Age et Psychonauts avant, mais j'avais noté, donc en gros depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, c'est environ 15 jeux qui ont été développés, et il y en a qu'ils ont édité aussi. Ils ont aussi une petite, je sais pas s'ils le font toujours depuis qu'ils ont été repris par Microsoft, je suis pas sûr, mais ils ont édité quelques jeux aussi. Des petits jeux, il y avait, je sais plus, Massive Chalice ou Knights and Bikes, je crois que c'est ça. Je sais plus s'ils l'ont développé, Massive Chalice, mais bref. Mais tout alors, ça Massive pour dire, Chalice c'était développé par eux, et effectivement Knights and Bikes avait été édité. Mais comme dit, 15 jeux développés et sous des formes différentes, tu vois, un jeu Kinect, il y a eu un jeu, bon ça c'était Psychonauts, mais un jeu VR, comme tu dis, il y a de la recherche de financement, de la recherche d'éditeurs, mais c'est plein de petits jeux. Les game jam, ça donne aussi des jeux qui feront par la suite. C'est pas toujours Tim Schafer qui va être dessus. Il y a quelques jeux, c'était quelqu'un du studio, qui a pas le truc. Si tu sais pas que c'est du Double Fine, tu t'en rends pas compte en fait. Tu vois pas Massive Chalice là dont tu parlais, qui est un jeu de stratégie. Bah c'est ça, leur identité en fait en partie, c'est que il y a pas vraiment d'identité de gameplay. C'est, tu vois, Tim Schafer le disait, il y a toute une rétrospective des jeux qu'ils ont fait sur NoClip, la chaîne NoClip. T'as Tim Schafer qui revient un petit peu sur toute cette histoire par jeu. Et en fait il dit bah nous on veut pas vraiment faire de suite, on veut pas trouver la formule qui marche machin. Nous on veut surprendre en fait notre. On a trouvé un peu des gens qui aiment les jeux Double Fine. On veut les surprendre, on veut faire des trucs nouveaux. Et ouais, quand tu regardes les jeux quand même, forcément de constater que tu disais, tu vois Benoît, c'est un peu des indés avant l'heure, ou des indés dans un studio quand même de taille relativement grosse. Et ouais, c'est ça, c'est quand même une place particulière. Ils ont une identité, tu vois. Ils ont fait des jeux comme Stacking où tu vas jouer des poupées russes, et donc va y avoir tout un délire de plateforme et d'énigmes avec ça. Il y avait les Costume Quest où tu joues des petits enfants qui vont demander des bonbons, et puis ça se passe mal. Enfin, il y a eu plein de trucs assez différents. Ils avaient fait Headlander il y a quelques années aussi, je peux vous souvenir. C'était une espèce d'astronaute, il envoyait sa tête et sa tête elle avait un petit jetpack. Et le corps il restait de côté, et tu faisais des petites énigmes comme ça, enfin des trucs un peu barrés. voilà. Et puis forcément des remasters des anciennes gloires, parce que ça aussi ça permet de rentrer un peu de moula. Ah, ouais, quelques millions. Fandango remaster. Ils ont eu le droit de faire les remasters des jeux LucasArts, comme tu disais. Ils avaient fait Day of the Tentacle, Grim Fandango. Donc voilà, ils ont pu récupérer ces trucs. Il y a de l'allemand qui donne de l'argent. C'est aussi les Allemands. Broken Age, une des premières traductions qu'ils font, c'est l'allemand, je crois. Les Allemands, c'est les jeux de gestion, stratégie et les point-and-click. Aiment réfléchir, les Allemands. Ouais, c'est ça. Alors que nous, on aime taper sur des trucs. On aime cramer des trucs. C'est ça, la culture française. Très bien, ça, c'est un peu pour Double Fine. Et ce qu'on peut dire, c'est finalement, malgré tout, on se replace un petit peu en 2015, quoi. En fait, Psychonauts, c'est le jeu le plus vendu de Double Fine. C'est leur plus gros succès à terme. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé de 400 000 ventes à l'époque de la sortie. Finalement, à terme, il s'est vendu à 1,7 million. C'est ça le chiffre qu'on a. Ce qui montre quand même que c'est un jeu qui a su se vendre sur le long terme. Alors évidemment, c'est pas les ventes full price où tu prends le maximum d'argent, mais néanmoins, le jeu a vraiment acquis un statut culte. C'est un jeu qui revient constamment. Tim Schafer, on lui en parle tout le temps de Psychonauts, qui a marqué aussi vraiment une génération peut-être qui avait joué à ce truc-là et qui maintenant sont adultes et qui sont peut-être prêts à donner de l'argent sur des plateformes de pion. Et puis même avec le recul, tu vois, tu disais il avait une DA peut-être un peu clivante à l'époque, qui a peut-être, ça on sait jamais, mais qui a peut-être participé au fait qu'il n'ait pas très bien marché. Mais là, je pense que tu vois, c'est l'effet inverse qui se passe avec le temps, parce que on le disait, tu vois, tous les plateformeurs de l'époque, bon, il y a un côté, ils se ressemblent tous plus ou moins, tu vois, on peut avoir la nostalgie pour l'un ou pour l'autre, mais force est de constater que Psychonauts, tu regardes, tu dis, personne d'autre faisait ça, était différent, et que justement, moi ce que je disais, c'est le seul, tu vois, qui casait un peu dans le même genre, c'était Conkers chez Rare, c'est encore des années avant. Mais voilà, et c'est effectivement ce qui va se passer en 2015 pour les 10 ans de Psychonauts au Game Awards. Tim vient faire sa petite incursion chez Geoff et va lancer un nouveau financement. Alors cette fois-ci, ce sera pas sur Kickstarter, ce sera sur Fig, puisque autant le faire à la maison. Et il demande 3,3 millions de dollars. Ça, c'était le chiffre en fait qu'ils avaient pu récolter à Broken Age. Et finalement, ils en récolteront un petit peu plus, presque 4 millions. Donc voilà, même si là, en fait, encore une fois, tout ce qu'on a appris depuis les débuts de Kickstarter, c'est que ils savent très bien dès le début que c'est pas tout ce qui financera le jeu, et que c'est juste une manière à la fois de commencer à injecter de la trésorerie pour pouvoir démarrer le projet, mais aussi de montrer aussi de la viabilité en fait aux yeux d'investisseurs potentiels, de dire nous on a récolté 4 millions, donc ça veut dire qu'il y a quand même un public qui est là, qui est potentiel pour pouvoir le jeu. Ils savent qu'ils vont chercher un éditeur et qu'ils vont se baser sur ça pour le trouver. On le disait, pour le premier Kickstarter, ils avaient financé un documentaire, et ça va être rebelote pour Psychonauts 2. Et là, un petit peu, la création de Psychonauts 2, elle est extrêmement bien documentée, puisqu'il y a ce documentaire qui est disponible gratuitement sur YouTube, sur YouTube, pardon, excusez-moi, qui s'appelle Psychodyssée. Et voilà, c'est littéralement, il y a près de 40 heures de... il y a 3-4 saisons d'une série. Je ne peux que vous le recommander. Moi, c'est un des meilleurs trucs que j'ai regardé cette année. Non seulement c'est extrêmement instructif, bon, c'est quand même des choses avec le temps maintenant, des choses que je sais déjà, mais en tout cas ça permet de reconfirmer plein de choses de comment ça se passe la création d'un jeu, et même je trouve sincèrement en termes de storytelling, de montage, de rythme, il y a des plot twists, il y a du drame, il y a des émotions, moi j'ai chialé plusieurs fois en le regardant, donc vraiment c'est une série moi qui m'a mais moi de toute façon les Américains là-dessus ils ont une vraie science du docu, storytelling, machin, avec, tu vois très bien ces cadrages, un plan américain, la petite discussion, il parle d'un truc, t'as une image d'illustration qui pop à ce moment-là pour illustrer pile ce que tu vois. C'est très bien fait, et en plus, ce qui est assez cool, j'ai trouvé, moi j'ai pas regardé l'intégralité, j'ai regardé que quelques épisodes, mais il y a un côté relativement transparent, tu vois, qu'ils ont pas forcément cherché à trop mettre de choses sous le tapis. Même s'il y a des biais, évidemment, il y a quand même beaucoup de moments très compliqués et sur lesquels les personnes importantes de Double Fine ne paraissent pas du tout sous leur meilleur jour, et pourtant on les voit. Donc évidemment on ne voit pas tout, mais vraiment c'est un docu qui ça permet quand même de mesurer tout ce qui se passe, et les moments très difficiles qui se passent dans le studio, on les ressent quand même assez bien. Ouais, parce que par définition c'est toujours compliqué de savoir ce qu'ils n'ont pas montré, forcément. Mais c'est vrai que parfois t'as assistes à des trucs, tu dis putain, je vois cette scène-là qui s'est passée au sein d'un studio de jeux vidéo. Et alors, et l'autre revers du truc, c'est que ça a pas forcément été facile en vrai aussi pour les équipes, hein, d'être constamment filmé pendant que tu bosses et pendant que t'as ce genre de discussion dure. Tu vois, t'as des discussions assez lourdes, hein, qui se passent. Mais c'est vrai que bah, si la création de jeux vidéo vous intéresse, tu vois quand même des choses. Et c'est l'occasion de recommander en vrai le documentaire d'avant aussi, hein, qui s'appelait Double Fine Adventure. Je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais moi je l'avais vu il y a presque 10 ans, hein, maintenant, et j'avais trouvé ça aussi hyper intéressant à l'époque. Qui est aussi très long, moins long, mais très long. Voilà, mais c'est voilà, faut savoir dans quoi vous embarquez. C'est une grosse. Voilà, il y a quatre saisons d'une série, donc c'est long. On va piocher évidemment un peu dedans pour parler du contexte. Donc voilà, si vous n'avez pas envie, on va essayer de vous résumer les trucs qui nous ont semblé vraiment importants. La première chose, c'est que c'est un développement qui va être très, très, très long. Hein, ça va s'éteindre sur 7 années. 8 E accent. Oui, il y a dans le très long. 7, parce que voilà, 7 ans, mais voilà, très, très long. Alors que, à la base, hein, c'était pas du tout prévu comme ça. Hein, c'est un développement qui va s'éterniser contre toutes les attentes et les envies. Hein, c'est vraiment tous les ans, genre, oui, l'année prochaine, ça sort. Et voilà, ça dure. Et ça, pendant 5 ans. Donc voilà, ça a été très, très compliqué. Pour un studio donc, qui est environ, il y a en gros 70 personnes dans le studio qui vont travailler sur le projet à terme, une fois que tout le monde sera vraiment dessus, parce que ça va pas être le cas dès le début. On est vraiment juste en dessous, tu sais, de l'échelle de comment on, tu vois, quand on commence à avoir 120, 150 personnes, on peut commencer à faire du AAA. Ils sont juste en dessous. Exactement. C'est juste en dessous du AAA. En termes d'ambition, de budget, c'est vraiment du AA pur et dur. C'est ce que dit la art director, j'ai oublié son nom, Anne-Lisette, je sais plus, Montgomery, je crois qu'elle a un nom composé, j'en oublie un des deux. Bref, et elle vient, en fait, elle a bossé chez Ubisoft, chez EA, et quand elle parle de ça, elle dit « it's a small team », tu vois, mais t'en as d'autres, tu vois, ah, quand même 70, donc bah, effectivement, ouais. C'est l'entre-deux. Bon, après, si elle vient de chez Ubisoft, c'est 15 000. Bah, oui, c'est ça. elle dit, en fait, oui, c'est plusieurs centaines, tu vois, elle a bossé sur le jeu, c'était plusieurs centaines de personnes, et à l'international, donc c'est forcément plus compliqué. Et juste pour fixer un peu le début de la timeline, juste un peu, c'est donc 2015, en gros, t'as la pré-prod qui commence, prototypage et compagnie. Il y a une partie de l'équipe qui bosse sur l'épisode VR que j'ai mentionné tout à l'heure, qui fait le lien entre Psychonauts 1 et 2. Donc c'est pour Sony, je crois. C'est pas pour l'Oculus ? Je sais plus. Bon, bah, je crois que c'est les épisodes des casques, c'est les casques VR. Voilà. Il me semble pas qu'il y ait d'exclus. Rhombus of Ruin qui sort en 2017. Et donc t'as une partie de l'équipe qui bosse dessus pendant que l'autre est en prototypage, pré-production. Et déjà, tu commences à voir que ça commence déjà à être un peu le bordel, puisque bah, quand l'équipe qui est sur Psychonauts 2 commence à vouloir un peu des gens, machin, ils disent bah non, moi je suis en train de bosser sur. Si, mais en fait, viens. Et tu vois que ça commence déjà à se chevaucher, qu'il n'y a pas tous les gens. Et c'est déjà un problème que tu vois dans d'autres une réalité que tu observes dans d'autres studios. On avait déjà pu en parler, je sais plus, pour Naughty Dog par exemple, où ils disent bah, et en général ils bossent sur deux projets en même temps, mais il y a un moment où il y a un jeu qui demande quasiment l'intégralité du studio, étant donné qu'ils vont devoir abandonner ce qu'ils sont en train de faire sur l'autre jeu. La vraie gestion de ressources humaines. Je fais juste une mini parenthèse, parce que justement dans le docu ils bossent sur le truc VR, et moi c'est un passage qui m'a choqué, où tu vois les gens pour développer de la VR, tu sais, ils sont malades, parce que tu sais, il y a vraiment de la saccade et tout, et en fait c'est voilà, tu sais, tu te dis pourquoi la VR c'est un petit peu compliqué, parce que ne serait-ce que pour les équipes qui développent, en fait, développer de la VR avec des ralentissements et tout, c'est un délire. Genre, tu vois, le mec qui dit bah, je peux pas travailler plus de 15 minutes parce que j'ai envie de vomir, quoi. Donc voilà, je fais juste cette petite parenthèse, parce que c'est un truc dans le docu qui m'avait vraiment, vraiment surpris. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. De toute façon, on va citer peut-être plein d'anecdotes, parce que c'est ça qui était intéressant du documentaire. Mais t'as un mec qui est co-creative director sur le jeu, hein, qui est animateur lui sur Psychonauts 1 et 2, qui est un historique, hein, qui est de Double Fine. Et lui, il dit en plus, la VR, lui, il y croit pas. Tu vois, en fait, il aime pas la technologie, parce que lui, il a cette vision, il dit bah, je trouve que ça te coupe du monde, ton foyer. Lui, il a des enfants, il dit je veux pas que mes enfants ils passent pas le temps, c'est sûr. Il dit je veux pas que mes enfants ils soient un peu coupés du reste de la pièce, je veux voir à quoi ils jouent. Et donc en plus, mais c'est intéressant comme témoignage, parce que ça, du coup, c'est en 2015-16, donc c'est aussi le genre de d'impression qu'il y a de découverte. C'est de vrai trucs, que c'est la période qui explose avec la VR. Si ce jeu là il existe, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent mettre de la thune et dire bah, et eux, Double Fine, ils sont oui, on prend, on va vous faire le. Ils ont fait un jeu Kinect, c'est le même genre de démarche. La bulle VR, elle est en pleine expansion à ce moment-là. Donc, en tout cas, en parallèle de ça, désolé pour cette petite parenthèse, mais c'est vrai que je trouve c'est des trucs qui sont, encore une fois, enfin voilà, si vous regardez le docu, mais même, c'est des petites choses, je trouve, à retenir, et des petites anecdotes qui donnent un éclairage, en fait, vachement important sur des réalités. Oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de secret, enfin, tu vois, moi, c'est pareil, la VR, j'y crois pas du tout, et bon, bah, il n'y a pas non plus 36 solutions, quoi. Donc, au début, sur Psychonauts 2, ça va vraiment être deux personnes, en fait, qui vont bosser dessus. Ça va être Tim Schafer, donc, évidemment, et qui va être accompagné d'un d'un lead designer qui s'appelle Zach McLendon, qui lui vient de Crystal Dynamics. Juste pour rappeler, c'est les gens notamment qui ont développé les Tomb Raider, les reboots des Tomb Raider. Et c'est donc ces deux personnes qui vont se réunir dans des petites pièces, voilà, avec plein de panneaux et remplir vraiment un maximum de post-it pour brainstormer sur ce que pourra être Psychonauts 2. Et c'est une période qui va durer quand même assez longtemps d'essayer de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire aussi avec ce truc-là. Et ils vont essayer de se diviser un peu le travail. Parce que Tim, lui, il a vraiment envie de tout écrire. Donc, il a vraiment envie d'être le plus que le lead writer. Il a envie d'être vraiment l'auteur sur le jeu. Et Zach, lui, va être responsable vraiment de tout ce qui est design. Et ils vont essayer de lancer le projet en se divisant la gestion et le management des équipes comme ça. Et en fait, ça va être un petit peu compliqué parce que malgré tout, déjà, Tim, lui, il veut vraiment tout écrire. Mais en vérité, et c'est important à retenir sur le projet, c'est que c'est Tim, en fait, qui tranche sur toutes les décisions créatives et finales. En fait, dès qu'il y a une proposition, s'il y a quelqu'un qui a une idée, il faut que Tim la valide, sinon ça n'existe pas. Mayo, ketchup, Tim, voilà, tu lui demandes, c'est lui qui te dit. C'est lui qui te dit. Mais c'est intéressant aussi, parce que ça montre qu'il a une place particulière dans un studio du coup singulier, hein, c'est le cas dans les studios où il y a une personnalité ultra forte qui peut être considérée comme une légende de l'industrie. Il y a des gens qui rentrent dans la boîte des étoiles plein les yeux, on le voit d'ailleurs dans le docu. Il y en a un qui est fan de lui, bref. Et donc, comme tu as dit, c'est que les gens qui dev dans le studio, en fait, en tête, ils ont Tim, tu vois, ils développent quand même pour Tim, limite c'est lui leur entre guillemets client. Et c'est ça, il faut que le truc plaise à Tim, qui est pas un techos en plus. Il faut satisfaire Tim, donc c'est vraiment cette personne-là qui va prendre toutes les décisions. Mais à côté de ça, il y a Zach qui, lui, va essayer vraiment de gérer et d'emmener toute la production avec lui, parce qu'il a aussi cette double casquette. C'est pas simplement un lead designer. Lui, il a aussi les yeux sur le petit fichier Excel avec les chiffres et les sous, et vraiment la gestion de production. Et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois fournir en temps et en heure. Et le jeu va commencer à essayer de se designer autour d'un... C'est un jeu, on reviendra dessus, c'est un jeu de niveau en fait, Psychonauts. C'est vraiment les niveaux qui dictent un petit peu le rythme du jeu. Et c'est pour ça qu'ils se disent, pour lancer le développement, on va mettre une espèce de team, on va essayer de composer une équipe pour développer un premier niveau qui devrait être représentatif, ou en tout cas permettre de donner un peu une impulsion, une direction vers laquelle aller. Et en fait, ça va être extrêmement compliqué, parce que c'est un docu qui permet de bien voir que au sein d'un studio de création de jeux vidéo, il y a vraiment une interdépendance entre les départements. Et en fait, que il y a une équipe d'un côté qui essaie de développer les niveaux, il y a une autre équipe à côté qui essaie de développer ce qu'on appelle le core gameplay, donc vraiment toutes les métriques, les sauts, quels sont les pouvoirs, quelles sont les capacités des personnages, les combats aussi, exactement, tout ça est vraiment en jachère, quoi. Et puis à côté de ça, il y a toute une autre équipe qui est la tech, les développeurs, les programmateurs, pour essayer de faire fonctionner tout ce truc-là. Et en fait, c'est des années de ping-pong très très compliqué. C'est pas un ping-pong, c'est une tournante. Il faut tourner autour de la table, et c'est très très compliqué. Et tu vois que ce sera la plus grande phrase de ta carrière de commentateur de jeux vidéo. C'est pas du ping-pong, c'est une tournante. Et parce que c'est ça, en fait, il y a vraiment cette interdépendance. Et ça va être un bordel monstre, en fait, tout simplement, parce que c'est très difficile de faire d'avancer sur un niveau quand tu ne sais pas quelles sont les capacités de ton personnage. Et c'est très difficile de savoir quelles sont les capacités de ton personnage quand tu ne sais pas ce que tu veux raconter dans ton niveau. Et voilà, toute cette organisation, en fait. Et dans l'occurrence, dans le cas de Double Fine, c'est pas forcément un bon exemple. Il y a pas mal de studios qui ont surmonté ce genre de choses, mais ça fait vraiment partie des défis quand une équipe se monte, de parvenir à trouver son rythme pour éviter justement qu'il y ait des temps morts dans certaines équipes, et que pendant 15 jours t'aies une équipe d'artistes qui se tournent les pouces ou qui jouent avec leur pistolet nerf parce qu'ils ont rien d'autre à faire, tu vois. Ou qui savent pas, ou qui ne savent tout simplement pas où on va. Ouais. Des décisions qui sont pas prises, des moments où beaucoup de choses restent dans le flou, en fait. Ça avance pas, quoi. En fait, tu vois que cette structure-là, donc c'était plus a priori adapté, comme dit Benoît, tu vois, c'est plus l'école des gros projets où il y a vraiment ce côté, il faut que les gens s'occupent, soient occupés, fassent des trucs, parce que c'est quelque chose qui se quantifie très rapidement. Hein. Dès que t'as une casquette de prod, tu dis non mais attendez, on a 50 personnes qui foutent rien. Juste pour rappeler, c'est l'argent que ça te coûte en fait tous les mois de faire tourner payer ton les studio. Salaires, en fait. Exactement. Et donc Zach, il a cette approche-là où vraiment c'est en mode il faut que les gens fassent des trucs. Donc, et comme on sait pas encore concrètement ce qu'on va faire ou quoi, tout le monde, vous me faites au moins les squelettes de ce que ce sera et on changera un peu en cours de route ou on aura les réflexions plus tard. Tu sais, il y a pas mal de retours des artistes qui ont dit mais du coup ça cet ennemi c'est quoi le lien avec l'histoire, donc Jatim il a genre pas encore écrit le truc, donc de toute façon on sait pas, il dit, c'est genre on sait pas, fais d'abord des ennemis, voilà un petit, un gros, un moyen, un qui veulent et on verra après, tu vois, pour que les gens s'occupent, ce qui est pas comme tu dis, voilà, c'est une approche, c'est une façon de faire les choses, mais ça après, va pas marcher. C'est aussi le résultat d'une pré-production qui n'avait pas fait complètement son job. Bien sûr. Parce que justement, en fait, en pré-prod, tu détermines tout ça. C'est-à-dire que c'est pas juste... Il y a toute une phase de recherche purement artistique et narrative, en mode, bah, ça va être quoi l'univers? Qu'est-ce qu'on va raconter? Mais tu vas déjà anticiper ces choses-là. Tu vas dire, ben, l'histoire, elle va aller du point A au point B. Il y aura un début, un milieu, une fin. On va avoir besoin de tant de niveaux, tant de trucs. T'essayes de quantifier un peu toutes ces choses-là pour le jour où, quand tu passes en prod, bon, bah, t'as déjà, en fait, une espèce de chemin de fer qui est tracé et tu commences à dérouler ton truc. Parce que c'est vrai que ben, forcément le temps que Tim Schafer il écrive, ça va lui prendre un temps de malade de tout écrire, sachant qu'il est pas à plein temps dessus. Ouais, oui, oui. Puisqu'il a c'est Tim Schafer, il est déjà occupé à faire plein d'autres trucs. Le patron du studio, il fait deux trucs, donc je sais pas, il doit avoir peut-être 2-3 jours par semaine et encore peut-être que j'exagère, mais il y a des moments où il dit non mais là je suis pas dessus, voilà, c'est les mardis que j'écris, et franchement tu vois genre des années après ils attendent encore que enfin il y ait des choses dans l'histoire, des trucs écrits en mode à quoi ça sert ce truc là, tu vois. Et puis il y a des recrutements même qui sont compliqués parce que la première team là qui va bosser sur le niveau, enfin le level designer, le lead level designer, c'est une nouvelle personne qui vient d'arriver qui n'a jamais fait de level design 3D, donc il y a des moments où vraiment tu regardes, tu fais ah ouais, c'est possible en fait d'avoir quelqu'un qui a pas cette expérience, de dire oui bah on va le lancer dans le grand bain et vas-y let's go, fake it till you make it. Et c'est vraiment, enfin vraiment tout le docu c'est ça en fait, c'est que des histoires comme ça, mais l'histoire quand même assez importante à retenir, bah c'est justement le conflit qu'il va avoir entre cette approche qu'il a Zach, puisque lui encore une fois on le disait, il vient de Crystal Dynamics, donc vraiment du triple A, tu vois, avec une façon de réfléchir qui en fait ne va pas correspondre avec ce qui se passe à la culture Double Fine, où c'est des jeux qui sont assez personnels, avec une histoire, où c'est ça en fait qui fait l'identité du studio, alors que lui il a une vision très gameplay, core gameplay. Et justement tu parlais des ennemis, et c'est vrai qu'il y a cette anecdote où à un moment il va se prendre la tête un peu avec Anna Kipnis, qui est vraiment une des historiques aussi de Double Fine, exactement, qui est là depuis le début, et en fait il y a vraiment cette opposition où elle dit bah ok, je dois designer un tank, un personnage tank, mais moi j'ai envie de savoir c'est quoi l'histoire, c'est ça qui va me permettre de designer l'ennemi, son chara-design, ses capacités, alors que Zach lui dit non, on s'en fout de l'histoire, on design d'abord les capacités, quelle place cet ennemi-là va avoir au sein de notre système de combat, et ensuite on verra ce qu'il fait. Et vraiment ça montre deux approches qui sont valables en fait les deux, mais juste qui ne matchent pas ensemble parce qu'elles sont un peu opposées. Et en fait le style de management de Zach, on va le voir, va être assez compliqué et ne va pas matcher avec la culture de Double Fine. Et en fait, c'est ça qui va... ça va non seulement ralentir la prod, mais ça va faire aussi que les équipes se sentent pas vraiment à l'aise. Et il va vous y avoir... Vous vous souvenez au niveau de la timeline, on est en quelle année, là, à peu près? Bah, en fait, Zach va rester jusqu'en 2019, ouais, un truc comme ça. Dans ces jeux-là, c'est 3-4 ans qui sont dessus. Il y a 3-4 ans de développement jusqu'à ce qu'en fait, après qu'il y ait des personnes importantes qui quittent le navire, hein, des gens, notamment Anna Kipnis qui part, d'autres personnes aussi qui vont partir parce qu'elles se sentaient plus bien dans le projet. Et en fait voilà, il y a un gros moment qui est un des grands moments du docu où Zach en fait il a été let go, comme on dit dans le jargon. Il y a eu un meeting et après il était plus devant la caméra, on revoit plus Zach quoi. Donc vraiment ça a été toute une période assez compliquée, et malgré tout même la transition après va être encore plus compliquée parce que c'était quand même quelqu'un qui avait tout le management du truc. Et il y a encore une grosse période où il va falloir se réorganiser, retrouver sa place. Et là, c'est plein de petites teams qui sont fabriquées autour justement des niveaux, avec des gens qui sont sur plusieurs niveaux en même temps et qui se partagent et tout. Et ça va être en aussi. En fait, il y a Ms. Montgomery, il y a une conf d'elle à la GDC, justement, qui parle un peu de l'organisation. Tu vois, elle parle pas de Zach ou quoi, hein, mais c'est un peu ça. Mais parce qu'elle, elle le voit plus vraiment d'un point de vue organisation. Disons que Zach, c'est pas forcément la personne, voilà, à cause de qui il y a eu ça. C'est plus le représentant d'une certaine organisation qui a été décidée, et voilà, il a appliqué ça et ça marchait pas. Et elle dit en gros que le souci qu'ils avaient, c'est que les artistes n'étaient pas vraiment consultés. Il y avait beaucoup de meetings qui se faisaient sans eux, des décisions qui étaient prises sans eux, et ensuite on leur déléguait le truc. Alors que Psychonauts 2, c'est un jeu où la patte artistique, elle est tout assez ça, dominante, voilà, en fait. Le level design, ça va même. Ça va être le cœur du jeu. Hein. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont plutôt du coup mis en en relation avec différents artistes qui vont prendre des décisions, qui vont décider de plusieurs niveaux. Hein. Je crois qu'ils se dispatchent un peu différents niveaux chacun. Et ensuite, c'est les leads qui vont voir ça et qui vont se réapproprier et disperser les tâches. Même si ça, dans le docu, c'est un truc que j'avais noté aussi. Bah, c'est un truc qui se passe pas très bien, encore une fois. Hein. De toute façon, on l'a dit, ils repensent l'organisation quand même du projet. En plein milieu du projet après. Mais bon, c'était pour le mieux, mais en plein milieu du truc. Et un souci que tu vois, c'est que ouais, ils se disent des choses entre eux, ils disent « Ah, bah, ce serait bien de faire ci, de faire ça », et en fait, à la fin, tu vois que personne n'était, décisionnaire, prêt, enfin, je trouve plus mon mot, mais il y a un témoignage, un moment, d'une meuf qui dit « Ah, mais moi, on a parlé de ça il y a 2 semaines, je pensais qu'on avait abandonné cette feature, je crois que c'était de pouvoir naviguer en barque, et elle dit « Et puis là, je vois quelqu'un qui bosse dessus, tu vois, alors que bah, ça fait 2 semaines que pour moi, on faisait pas ça, tu vois ». Donc, il y a un manque aussi de communication, et ça, c'est un autre challenge que tu retrouves dans le jeu vidéo, hein. C'est ok, on a eu un rendez-vous, ok, on s'est dit des trucs, mais qui fait quoi? Et ben ça, parfois, c'est juste pas fait. Ça, je me souviens, c'est ce qu'on disait sur Anthem. C'était un des plus gros soucis d'Anthem. On a fait un épisode sur Anthem, non? Mais c'est pour faire des parallèles, pour dire qu'en fait, c'est ce qu'on dit aussi, mais c'est que l'histoire de Psychonauts 2, c'est l'histoire de plein d'autres studios de développement. Ils regroupent en fait différents problèmes que tu retrouves ailleurs. Et Anthem, de mémoire, c'est peut-être aussi ce qu'ils avaient un gros budget au début, mais il y avait ce côté, bon, on discute, on prend des meetings, et en fait, à la fin, il y avait rien qui était fait, rien qui était décidé, les gens savaient pas trop quoi faire, et vraiment à la fin du projet, quand les gens qui ont l'argent, l'éditeur a commencé à dire bah faut le sortir le jeu, t'as quelqu'un qui a commencé à dire bah on fait ça, on gère ça, à faire un peu un patchwork de tout ce qui flottait en théorie, un peu dans les airs. Ce rôle de un peu prendre les décisions et driver le truc, c'est un peu à ça que servent les creative directors, parce que justement ils sont censés avoir cette espèce de responsabilité d'amener le projet de le début de la prod jusqu'au moment où on va ship le jeu. Et justement là dans le cadre de Double Fine, moi comme j'ai pas vu tout le docu, je suis pas forcément aussi au courant, mais ce que j'ai l'impression c'est que justement la place de Tim était tellement il est un peu incontournable dans le studio, sauf qu'en fait il joue pas ce rôle là. Il le joue pas officiellement et il prend pas cette place là, voilà, c'est ça. Il y a des moments où il est juste auteur, il prend un peu trop de recul, et en fait alors qu'il aurait dû avoir une place vraiment prépondérante et être là partout pour accompagner tout le monde sur toutes les décisions, et ça c'est quelque chose en fait qui fait vraiment très très très très tard dans le développement, où il se dit, enfin genre oui ça y est finalement c'est moi, et t'es là, t'es thank fucking god, tu vois, c'était vraiment le moment, le moment d'y aller, quoi. Et c'est vrai que ça va être compliqué, et puis voilà, on va, il y a vraiment, si vous regardez ce studio, il y a toutes les histoires possibles, c'est des producteurs, tu vois, ils fument au moins un ou deux producteurs qui part, mais genre un mois avant la sortie, parce qu'il en peut vraiment plus, quoi, parce que c'est une galère. Et puis il y a plein d'autres trucs qu'on voit. Il y a aussi des soucis de... Alors, pas vraiment de crunch, parce que justement, c'est vraiment tout au sein de l'équipe, c'est vraiment... On sent qu'il y a le trauma du Psychonauts 1, qui est là, notamment pour les anciens, des gens qui ont d'abord bossé sur celui-ci. Et en fait... on voit que ils veulent absolument éviter le crunch, mais ça glisse quand même un petit peu à certains moments. Il y a notamment tout un épisode qui est assez fort, qui est pas facile à regarder, où il y a une des développeuses justement qui commence à alerter un peu tout le monde en mode ok, on voit qu'on commence à nous apporter à manger le soir, que ça reste un peu plus tard, etc. Et que même si pour l'instant on n'est pas en train de cruncher, il y a une mise en place un peu, il y a une institutionnalisation de rester là, manger, de travailler pendant ton temps de repas, etc., qui en fait glisse doucement sur le crunch. Tim le prend assez mal d'ailleurs, hein, il est vraiment en mode genre non, on fait pas de crunch et tout, et on sent que ça crée des tensions comme ça. Bah oui, bien sûr, mais tu vois que on assiste quand même à cette discussion, et tu vois que les gens sont assez tendus. C'est un épisode qui est assez fort à regarder, et en fait, on le verra que bah vraiment, il y a des personnes qui vont décider de cruncher sur le jeu, en fait, de dire bah en fait, moi j'ai envie que ça sorte, que ça soit bien, et encore une fois, ça permet de bien voir que c'est un truc qui est culturel, en fait, que c'est pas que c'est oui des problèmes d'organisation, mais que c'est aussi des personnalités qui vont décider de faire ci, et d'autres personnes qui sont influencées par d'autres. C'est un problème très très complexe, c'est pas aussi simple que les méchants patrons qui font travailler les gentils ouvriers. C'est malheureusement beaucoup d'employés qui d'eux-mêmes en fait décident de se donner à 200%, 300%, 400% et de mettre de côté le reste de leur vie, et qui vont peut-être driver d'autres personnes, les encourager. Il va y avoir un peu de pression sociale mal de voir les autres aller travailler plus longtemps. Enfin, c'est un des sujet qui est particulièrement des choses complexe, qui avancent, alors ouais. d'autres qui avancent pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment super compliqué. C'est en fait, c'est le pire de ce qui peut ressortir de la grande complexité que c'est de créer un jeu vidéo, quoi. Oui, parce que la question des dirigeants aussi, tu disais, voilà, c'est pas que le méchant patron, mais t'as différents rôles. T'en as qui vont prendre à cœur de se dire, bah, c'est à moi de mettre les stops, de dire, ouais, on fait pas ça et on arrête et tu rentres chez toi et t'amènes pas ton ordi et stop. Mais effectivement, il peut y avoir des clashs. Il y a des histoires de studio où, bah, il y a des employés qui veulent cruncher, la direction qui dit non et les employés se cassent, se barrent ailleurs où ils pourront le faire, tu vois, pour bosser sur des jeux. Ça, c'est des histoires qui arrivent aussi. Ça peut arriver, mais de toute façon, il y a tous les cas de figure. Hein. C'est un sujet qui est. En fait, moi, je disais ça, c'était pas pour déresponsabiliser les patrons là-dedans, parce qu'au contraire, effectivement, comme tu l'as dit, ils sont en charge du bien-être de leurs employés et ils doivent, entre guillemets, mettre des barrières. Mais c'était plus pour dire que c'est un sujet qui est voilà, très, très complexe. Le crunch, faut pas le voir comme un truc tout noir ou tout blanc, parce que sinon, vous allez. Et justement, allez passer en, à fait, côté, en voyant le docu, en fait, on le voit bien et ça permet quand même d'observer les choses un peu plus, pas objectivement, mais de voir des choses assez d'avoir juste un peu de perspective, sur la réalité du truc. Quoi. Ouais. Bah, tu vois, celle qui soulève justement le problème. Elle, je crois qu'elle vient du QA, je crois qu'elle bossait peut-être à Crystal Dynamics aussi. Elle se barre. Elle part en fait. Oui, parce qu'elle sent que c'est plus pour elle et que la culture, elle n'a pas envie de vivre dans un truc comme ça, malgré tout l'amour qu'elle a pour Double Fine. Quoi. Et c'est aussi ça le truc, c'est que comme le développement il est long, c'est aussi plein de départs. Il y a des départs émotifs, tu vois. On dit, il y a Anna, dont tu parlais tout à l'heure, qui est une historique du studio. Bon, bah, c'est un moment assez fort, tu vois. Et elle, tu sens, en tout cas, le montage laisse supposer qu'elle part pour des différents créatifs. Ouais. En fait, elle se sent pas entendue. Oui. Donc par Zach et leur organisation, elle c'était plus peut-être la peur du crunch, ou t'en as d'autres, c'est peut-être c'est une autre réalité aussi, il y a d'autres opportunités, il y a moment tu dis ça fait 4-5 ans que t'es sur la même, sur la même prod et ça bouge pas, sachant qu'entre temps il va y avoir le rachat de Microsoft qui va se rajouter un petit peu à l'équation, qui va leur donner un petit peu d'air, même si en fait ils sont déjà, tu vois, ils sont sous assistance respiratoire depuis un moment, mais voilà, ça va encore prolonger le développement, et puis après il va y avoir le Covid qui va encore ralentir le truc, et en plus, enfin, tu vois, terminer le développement d'un truc qui a duré 7 ans en distanciel et devoir réapprendre à communiquer, enfin voilà, tu vois, ils ont eu toutes les plaies d'Égypte qui sont un peu tombées sur eux, et ça a été vraiment un développement qui est qu'on sent vraiment éprouvant, et moi je garde vraiment en tête cette idée de ces gens-là qui se disaient en fait tous les 6 mois, qui se disaient dans 6 mois c'est fini, et en fait ça a duré 5 ans, quoi, et tu sais, il y a un côté, la deadline qui est tout le temps repoussé, le côté ça finit jamais, enfin c'est pour le moral, mais c'est terrible, quoi. Terrible. Et je crois que tu avais quelques témoignages à la fin où ils disent putain, mais si j'avais su au début qu'en fait on pouvait le sortir, tu vois, en 2021, on n'aurait pas fait comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait justement il y a eu une pression constante du temps, alors qu'elle n'est, dans les faits, elle a toujours été remise en question à chaque fois, quoi. T'as un moment, je crois que c'est quand ça parle du crunch, tu vois, t'as une productrice, donc t'as celle qui avait lever un peu, qui a sonné l'alarme, tu vois, sur le slippery slope, elle disait donc porte ouverte, enfin pente glissante plutôt sur le crunch et tout, et t'as la productrice qui dit non mais là je te jure la prochaine date c'est bon, c'est la bonne. Bon, c'est compliqué parce que c'est le Covid qui est arrivé, donc là tu peux dire la productrice, je n'en veux pas de pas avoir prévu le Covid, mais vraiment il y a eu un côté les yeux dans les yeux, je te dis oui on a déjà repoussé le jeu deux fois machin, mais je te le dis la prochaine, et ben c'est bon, et en fait tu sais, toi tu dis je sais qu'il n'est pas sorti en 2020, donc il y a vraiment ce truc là, c'est vrai que ça a été très difficile. Et puis ce qu'on retient, c'est en fait, en prenant encore un peu plus de recul sur tout, c'est que c'est un docu qui illustre bien en fait l'immaturité en fait qu'il y a encore dans notre industrie au niveau organisationnel et tout, parce que même s'il y a des process et tout, en fait c'est très compliqué de faire du jeu vidéo, il y a un manque parfois de rigueur et de lucidité sur comment faire les choses, et voilà, c'est une équipe, en tout cas ça s'est passé un peu comme ça. C'est un vrai gros sujet, il y a la transmission des connaissances à cause du turnover, parce qu'il y a vraiment des gens qui partent, des gens qui reviennent, et ça aussi, des gens d'ailleurs, qui partent on voit énormément d'expérience et qui doivent du coup quand même laisser derrière eux leur travail et leur savoir-faire pour aider les personnes qui vont prendre leur relais par la suite. Et ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas, tu sais, c'est pas comme le cinéma où bon, il y a des projets qui se passent très mal dans le cinéma, mais comme c'est une industrie qui est quand même un peu plus d'ancienneté, maintenant un film, tu sais comment ça se fait, tu sais comment ça fonctionne, les producteurs ils savent qui c'est qu'ils doivent recruter, etc. Tu sais où le pognon doit être mis à tel ou tel moment, et donc tu sais à peu près comment tu vas faire un film. Un jeu vidéo, il n'y a pas en fait une espèce de tu sais, de je sais pas comment on pourrait dire, de process de, vraiment de manuel, bien établi, le bon petit manuel de comment on fait un jeu vidéo. Chaque studio a un petit peu son truc, c'est un truc qu'on dit régulièrement, chaque studio a sa façon de faire. Ubisoft, ils ont une façon de faire qui est très à eux, qui est pas du tout la même de Electronic Arts ou quoi que ce soit. Et a priori, ouais, ce docu a l'air de mettre en avant ce côté, bah, comme vous dites, un peu immature. C'est pas négatif quand on le dit, c'est un constat. C'est-à-dire l'industrie du jeu vidéo, ça fait 40-50 ans qu'elle existe, mais elle est encore en train de se chercher et d'apprendre à savoir faire du jeu vidéo correctement, entre guillemets, quoi. Oui, surtout avec des équipes de cette taille, et encore, c'est pas les plus grosses, tu vois, c'est un apprentissage encore qui est constant. On l'a dit, de toute façon, ils ont revu leur organisation en plein milieu du développement, tu te dis, ah ouais, c'est pas si improbable, ça arrive sur des tonnes de projets. Enfin, là, pendant qu'on parlait de c'est éprouvant des projets de 5 ans, tu vois, j'avais une pensée pour tous les gens qui sont en train de bosser sur Beyond Good and Evil 2. C'est marrant, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui bossent dessus, qui ont eu le temps de bosser dessus, partir, faire un autre jeu, revenir dessus. Le jeu sera toujours pas sorti. Je vous l'annonce, le jeu ne sortira pas en 2024 non plus. Enfin, tu vois, c'est genre, c'est des projets comme ça qui sont vraiment, qui dans une carrière, en fait, te bouffent un temps de malade. Donc voilà, petite pensée à vous. Et puis tu parles de BGE 2 aussi, parce que, bah, c'est un projet où il y avait notamment une grosse personnalité dessus. Et ça aussi, c'est une composante qui rend les choses compliquées. Et vraiment, quand on voit Double Fine, on voit que Tim Schafer, c'est quelqu'un qui est méga marrant. Il peut te sortir toutes les punchlines. Enfin, voilà, c'est quelqu'un, c'est vraiment, il a une aura très particulière. Mais c'est pas facile, en fait, de bosser et avec quelqu'un comme ça qui est un peu dans son truc, qui est pas toujours disponible. Studio, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas facile. Et tu vois que, dans le studio, ça, il y a plein de gens, il y a des personnes qui, voilà, voulaient vraiment bosser avec Tim Schafer, et c'est pas vraiment ce qu'ils imaginaient en venant à Double Fine, quoi. Mais bon, c'est. Faut pas rencontrer ses héros. Exactement. Il faut pas rencontrer ses idoles. Voilà, le jeu on sort. On pourra parler du jeu. Oui, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment là déjà qu'on est dessus. Le jeu sort finalement. Il va être très bien reçu quand même. On est sur 89 sur Metacritic, donc finalement, ils vont quand même bien s'en sortir malgré tout la magie de l'écriture et du style, tout ça. Bah, ça fait encore mouche. Ça, on peut pas le nier. Sur les ventes, c'est un peu plus difficile à trouver parce que Xbox Game Pass, mais notamment là, encore une fois, la directrice artistique. Qui a noté que le jeu, c'est désormais déjà le plus vendu de Double Fine. Donc, on peut imaginer qu'il a fait plus des 1,7 million de Psycho 1. Et donc, ça, c'est quand même une réussite pour eux, quoi. Sachant qu'elle parlait de ventes. Donc, a priori, voilà, ce sont des ventes. Et c'était sur le Game Pass. Donc, exactement. Ouais. Donc voilà, jeu qui sortira et qui n'aura pas forcément beaucoup de prix. Il récupère juste la meilleure narration au Game Developers Choice Awards, mais il n'aura rien au Game Awards sur cette année-là. On va pouvoir passer à l'histoire, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, c'est possible. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et vous pouvez nous rejoindre, nous mettre une petite piécette. Et j'en profite évidemment pour remercier le soutien indéfectible dont vous nous avez fait preuve tout au long de cette saison qui est en train de se terminer. Ça a été une saison un peu exceptionnelle, tu vois, comme on a eu la première grosse rencontre IRL là, pour la centième, c'était il y a quelques semaines déjà, mais c'était quand même un temps fort. Donc voilà, c'était très cool. Il y a des choses qui ont bougé, on a essayé des choses sur Twitch en début de saison, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans déjà, mais ça a pas marché, c'est pas grave, c'est comme ça, et on a essayé de rectifier un peu les choses, et vraiment merci énormément de nous soutenir et ce que vous nous permettez de faire dans nos vies, de pouvoir intégrer ce projet là et qui fasse partie de notre quotidien. Merci énormément à toutes les personnes qui nous rejoignent. On va pouvoir passer à l'histoire. Benoît, raconte-nous. Déjà, c'est quoi, peut-être brièvement, les Psychonauts, c'est une espèce... C'est une agence, voilà. Alors, gouvernementale. Hein, bien sûr. C'est les États-Unis, à un moment donné, j'aime bien, c'est pas précisé, hein, parce que j'imagine que ça doit exister dans le lore, mais je suis pas un expert wiki. Bref, imaginez une agence d'agents spéciaux, genre FBI, CIA, quoi que ce soit, mais là, c'est des gens qui vont infiltrer l'esprit des gens, pour soit les aider, parce qu'ils ont un problème ou quoi que ce soit, ou même, en fait, quand c'est cas de criminels pour, je sais pas, tu vois, les empêcher de faire d'autres crimes, leur changer leur façon de penser, soutirer des infos. C'est la NSA, CIA, mais en version, on vient directement dans ultra, ta tête. Donc, globalement, fais pas yèche. Il y a un petit côté Inception, un petit peu dans les grandes lignes. Clairement. Et Rasputin, Rasputin Aquato, qui est notre héros qu'on va incarner, depuis qu'il est gamin, il rêve de devenir un Psychonauts. Il s'est rendu compte qu'il avait des pouvoirs psy, et même si sa famille l'a rejeté, là, je vous raconte vite fait l'histoire du 1. Il va dans une colonie de vacances où il rencontre d'autres Psychonauts. Il deviendra un Psychonauts en mettant de côté justement le grand méchant du 1, qui est le docteur Loboto. C'est un méchant dentiste. Voilà. Voilà. On salue les dentistes qui nous écoutent. On les embrasse. Et justement, Psychonauts 2 commence direct dans le vif du sujet. En fait, ils sont en train d'essayer d'extraire des informations de l'esprit du docteur Loboto et notamment de savoir qui lui a donné l'ordre de neutraliser Truman, qui est votre commanditaire. Tu vois, nous avons les moyens de vous faire parler. Exactement. Parce qu'en fait, Truman, donc, qui est le grand chef, le grand patron des Psychonauts, il est dans le coma et c'est à cause du docteur Loboto. Donc voilà, on va envoyer Raz et d'autres là-dedans, dans le cerveau de Loboto, pour essayer de trouver. Donc ils y arrivent, ils entendent parler d'une certaine Maligula, qui est un personnage qui vient vraiment du fin fond du passé des Psychonauts, qui avait provoqué un grand cataclysme, un raz-de-marée géant qui avait quasiment détruit tout un pays qui s'appelait la Grulovia en anglais, je sais pas, ça doit être Grulovie en français, je sais plus. Bref, Raz est considéré comme un jeune Psychonauts, il va donc pouvoir enfin rejoindre The Mother Lobe, qui est le QG en fait des Psychonauts, mais arrivé sur place, il y a la chef qui s'appelle Hollis qui va lui dire eh oh garçon, fais gaffe, enfin ralenti, tu vas devenir un simple stagiaire. Donc voilà, c'est un stagiaire, il fait partie du programme des stagiaires avec d'autres gamins, il se fait un petit peu bully, c'est un peu le passage, tu sais, la parenthèse lycée américain chelou de Rasputin. Mais bref, et il va se retrouver à devoir aider un type qui s'appelle Nick, qui s'occupe de trier le courrier, sauf que Nick, en fait, il n'a plus de cerveau. Voilà, on lui a enlevé le cerveau, et du coup, forcément, le type, il se balade, il sait plus trop ce qui se passe. Il va essayer de faire une petite enquête pour savoir où est le cerveau. Il trouve des indices qui pointent vers un casino en particulier. Et il veut y aller, mais Hollis ne veut pas envoyer ses stagiaires parce qu'elle pense qu'une vraie mission, c'est trop dangereux pour les petits enfants. Donc Raz, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans le cerveau de sa prof à son insu. Et il va en fait rebrancher. En anglais, ils disent rewire, mais moi, tu sais, je pense toujours aux vieux standardistes, tu sais, qui prennent les fils et qui les mettent ailleurs pour le téléphone, si vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, il va prendre l'idée que le casino c'est dangereux et en fait elle va lui dire non, ça va permettre de sauver les finances des Psychonauts parce qu'ils ont des problèmes économiques forcément. Il profite d'un cours qui est une initiation en fait à ça où je crois qu'elle autorise les élèves à rentrer dans une certaine partie du cerveau où ils peuvent un peu faire ça, donc t'as des mots, des concepts qui flottent un peu dans les airs et comme t'as dit tu peux les brancher et en fait il arrive à rentrer je crois un peu dans la vraie partie et à faire ce branchement pour qu'ils partent en mission. Et donc ils vont avoir tout un tas de péripéties évidemment dans ce truc du casino, il va s'excuser auprès de la prof pour lui avoir changé le cerveau et il dira qu'il le fera plus jamais, promis. On va apprendre en fait surtout au fur et à mesure que Maligula, elle fait partie des fondateurs, c'était une des fondatrices des Psychonauts, parce qu'au début ils annoncent que c'est le groupe des 6, en fait ils étaient 7. Ça fait partie de tout un tas de twists qu'on va découvrir. Il y a un autre membre fondateur qui s'appelle Ford Kruller qui a son esprit qui est parti en vrille, il est divisé entre plusieurs endroits, c'est un des gros morceaux du jeu où on va en fait reconstituer son esprit. Il y a notamment l'épisode du courrier, il y a l'épisode du bowling et il y a le fameux épisode, le coiffeur, et l'épisode sous LSD. Non, l'épisode sous LSD, c'est encore une fois un autre. À chaque fois, je confonds. Je sais pas pourquoi, non, mais parce qu'il m'avait marqué ce niveau, il était vraiment cool. Ce qui est important de retenir, c'est que justement, tout le jeu va être l'exploration justement des différentes personnalités qui ont des différents fondateurs et fondatrices des Psychonauts. Et en fait, on va apprendre ce qui s'est passé à l'époque. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi au final il y a une septième personne qui a été mise de côté. On va en apprendre sur tous ces personnages, on va se rendre compte qu'ils ont chacun et chacune des traumas, des problèmes qui ont créé des soucis aussi interpersonnels autour de ce groupe, mais on va surtout finir par apprendre qu'il y avait une relation amoureuse entre Ford et Lucretia, qui était du coup au départ Lucie, qui n'était pas encore la méchante Maligula. En fait, elle venait de son pays natal, c'est la Grulovie, elle a un pouvoir, elle peut contrôler les eaux, voilà, c'est son pouvoir psy à elle, et en fait, elle a été employée par le gouvernement pour réprimer les manifestations parce que du coup elle bossait pour un tyran et dès que le peuple voulait se soulever ils faisaient comme Macron, tu vois, ils envoyaient les CRS. Exactement. Et sauf que là c'était Maligula et en fait un jour elle a vraiment provoqué un énorme accident, elle a détruit un barrage et ça a tué des centaines et des centaines de civils, notamment sa sœur. Et à partir de là en fait son cerveau pour pouvoir gérer tu vois le trauma, il a complètement vrillé et il s'est inventé cette personnalité de Maligula qui a pris en fait le pas sur Lucretia normale. Elle est devenue la méchante, elle a pris le dessus et voilà, ça y est, le trauma était trop fort. Et au final, c'est Ford qui va essayer de manœuvrer autour de tout ça pour s'en sortir. Alors en fait, ils envoient du coup tous les fondateurs des Psychonauts, ils vont, et c'est un peu d'ailleurs la mission fondatrice de l'agence de neutraliser. Ça s'est passé il y a très très longtemps, on parle de dizaines d'années, c'est pas dans le 1, hein, c'est vraiment avant. Et en fait, ils pensaient l'avoir neutralisé, mais Ford, comme il est amoureux d'elle, il va utiliser utiliser une machine pour enfouir la personnalité de Maligula dans Lucie, et il va lui changer sa personnalité parce qu'il peut vraiment rebrancher le cerveau, et il fait croire à Lucie qu'elle est sa sœur qu'elle a tuée et qui est en fait la grand-mère de Rasputin. Voilà. C'est un peu compliqué toutes ces histoires, beaucoup de twists, mais en gros voilà, la petite grand-mère toute mimi que vous croisez quand vous allez qui est un peu paumée là quand vous allez rencontrer votre famille dans Psychonauts 2 là au moment où la famille vient vous rendre visite, en fait c'est Maligula. Et donc ben par la suite, une fois qu'on a découvert le poteau rose, on va essayer de définitivement supprimer cette personnalité là ouais. On va aller l'affronter à l'intérieur de l'esprit, péripétie tous on les apprend, stagiaires voilà, y a tous les esprits avec il y a nous, les Avengers qui viennent exactement. On apprend que Troman, en fait le directeur, son cerveau avait été remplacé puisque Nick n'était pas vraiment un véritable employé, c'était le fils du tyran dont on avait parlé dans la Gruloville avec son chapeau incroyable et qui voulait se venger. Alors ça n'a aucun sens hein, mais il voulait se venger des Psychonauts en réveillant Maligula qui est elle, c'est elle qui a détruit son pays, mais bon il voulait l'utiliser contre les Psychonauts. Il parvient quand même à la réveiller et rase donc avec l'aide de toute sa famille, de tous ses copains, tout finit bien à la fin, voilà, on arrive à supprimer tout ça quoi. Exactement, et au final je crois que la mamie elle reste quand même la mamie elle reste la mamie, voilà. Et tout le monde la pardonne. Et voilà, et au final Raz, voilà. Il a une petite copine, il devient officiellement un Psychonauts, il n'est plus stagiaire, il a signé son CDI, bienvenue dans la startup nation. Bienvenue dans le monde du travail. Voilà. Très bien. Alors, c'est vraiment l'histoire, et c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, en fait, de Psychonauts. Il y a vraiment, narrativement, il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes, en fait, dans la manière de parler psychologie, d'empathie. Et on va en parler. Mais avant, on avait envie de quand même passer un petit moment sur les fondamentaux de ce jeu. On l'a à peine dit, même dans la préparation, que Psychonauts, c'est un jeu de plateforme, à la base. Ouais. Voilà, c'est vraiment un platformer. Et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de se dire que là, vraiment, quand le jeu, il sort en 2021, pour nous, il est pas au niveau en fait sur la plateforme. Il y a vraiment des fondamentaux en fait sur ce qu'on appelle les 3C, hein, c'est-à-dire contrôle, caméra, character. C'est vraiment les fondamentaux de comment on joue à un jeu qui sont pas du tout au point. La caméra, bon, pourquoi pas, is ok pour un jeu de ce genre-là, mais vraiment les contrôles de Raz, c'est vrai que moi quand j'ai lancé le jeu, ça m'a sauté au doigt. Moi mes refs en plus, c'est, enfin tu vois, les derniers gros jeux de plateforme que j'ai pu faire, c'était Mario Odyssey. Qui est juste la crème de la crème. C'est un régal de contrôler Mario. On avait joué aussi à It Takes Two, des choses comme ça. Et là, c'est vrai que waouh, dans les doigts, quand je suis dans le niveau du dentiste, je fais. Bah, il y a un flottement, picote, en fait. Il y a vraiment un flottement constant, en fait, au niveau des déplacements. Et l'inertie du saut qui est vraiment pas agréable. Il y a une toute petite ombre quand tu sautes, mais tu sais pas forcément où tu vas sauter. Il y a cette fameuse bouboule sur laquelle on peut monter pour se déplacer plus vite, qui est un enfer. Comme disait Max, ça ne sert que si c'est en plat. Si c'est plat, c'est bien. Si c'est plat et en ligne droite, c'est bien, mais si c'est un peu plus compliqué et que les ça, mondes de Psychonauts 2 ne sont pas du tout plats et bien. Bah, donc, oui, voilà. T'es dans un dentier au départ. Oui, donc c'est un peu plus compliqué. Plus. Mais et en fait, on voulait vraiment insister sur cette partie-là pour bien vous faire comprendre du côté fondamental du jeu vidéo et ce côté un peu oignon du jeu vidéo. Vous savez, il y a plein de couches et il y a une espèce de cœur. On parle de core gameplay vraiment pour les actions les plus fondamentales qu'on va faire dans un jeu et qui sont censées être. Soigné, tout simplement. Ouais, c'est ça, il faut que ça soit soigné, il faut que ça fonctionne bien dans les mains. On va parler de game feel, etc. Mais ça a aussi une importance capitale. Vous en parliez pendant le docu sur le contexte, sur cette notion de matrix. C'est peut-être un truc qu'on n'a pas forcément abordé, donc on va le dire. En gros, dans un jeu vidéo, tout ce que vous allez faire va avoir une certaine valeur. C'est-à-dire que vous savez que votre personnage, quand vous appuyez sur le saut et que vous maintenez le bouton, il peut sauter à une valeur X maximale. C'est ça. Et quand il fait un saut en avant et qu'il a une vélocité de Y, ouais, il va aller sur une distance Z maximum. Donc toutes ces données, en fait, sont connues et sont nécessaires pour que les gens qui font le level design puissent designer leur niveau. En parce fonction que de ces matrices-là. Si vous voulez faire un saut qui soit valable pour illustrer le double saut, mais que vous ne savez pas quelle est la distance du exactement saut, vous êtes dans la merde. Et comme on le sait dans le développement, ça a été une galère. Et du coup, vraiment, on sent que c'est vraiment pas calé, quoi. Il y a un truc qui est pas calé. Il y a plein de choses qui sont pas correctes dans les métriques. Ça marche pas. Parfois, on se dit, ah là, je peux sauter. Ah bah non, en fait, je pouvais pas. Et parfois, tu dis le level design, tu sens qu'il est pas pensé justement en fonction de tes sauts. Et après, il y a plein de trucs encore dans le game feel qui sont pas agréables. Il y a notamment les glissades sur rail. C'est un jeu où il y a beaucoup ces fameuses glissades sur rail qu'on connaît depuis, je sais pas, Sonic, mais aussi aussi Ratchet & Clank, c'est des jeux qui font beaucoup Sonic, ça. Ouais, et là, enfin, parfois, tu es sur une rail, tu veux juste esquiver. Oh, forcément, il y a des obstacles, pardon, qui arrivent en face et on doit jongler entre les rails, en fait, ouais, alterner. De la gauche à la droite. C'est classique, hein. C'est vraiment un truc classique. Et ça, c'est pas propre, c'est pas calé du tout. Il y a pas cette espèce de petit aimantage qui fait que ça marche bien, que c'est agréable de switcher. Non, tu peux sauter et là, le jeu il fait ah, tu sautes du rail, tu pars, tu tombes. Ok, bah super. Et vraiment, tu voulais sauter dans le vide, ouais, t'inquiète. Ah, pas de problème. Et vraiment, même les phases d'escalade, il y a aussi les fameuses, ce qu'on appelle les barres de singe, hein, vous savez, ouais. C'est des barres qui sont plantées comme ça et on fait des petites acrobaties. Prince of Persia 2003, hein, on se renvoie là-dessus. Là, ça aussi, c'est pas clean. Le moment où il faut bien sauter pour obtenir vraiment la bonne distance, c'est pas bon et tout. Et une corde aussi suspendue. Oh, c'est tomber sur une corde, tu fais bah non, à côté. Non, et vraiment, il y a plein de trucs qui ne sont pas là et c'est chaud. Enfin, c'est pas choquant, mais. C'est pas catastrophique. Non. Ça se joue, ça se joue au final. Mais en fait, tu te dis que ça devrait absolument pas être là. Ça devrait être absolument calibré parce qu'en fait, ça a créé plein de frustrations qu'en fait, moi, j'avais plus l'habitude de trop sentir. En fait, parce que bon, des jeux platformer 3D, oui, j'en ai joué une bonne petite tripotée quand c'était dans les années 2000 et tout. Mais maintenant, c'est un genre qui est quand même un peu moins populaire. Mais bon, maintenant, quand tu joues un platformer 3D, t'aimes que ça soit clean parce que normalement, on sait faire quoi. Mais du coup, le fait que ce soit moins populaire, ça explique un peu ça. C'est que eux n'ont plus fait de platformer depuis le premier Psychonauts. Et tu le disais tout à l'heure, tu vois, ne serait-ce que quand ils embauchent des gens, il y a même un mec qui vient pas de la 3D déjà de base. Donc on est sur un réapprentissage complet en fait. Parce que c'est ça qui est aussi un peu entre guillemets un peu chaud, mais enfin un peu dommage. C'est que d'un point de vue mécanique, ils reprennent vraiment ce qu'il y avait dans le 1. Ouais. C'est les mêmes bases, mais en fait, ils ont dû réapprendre à le faire, le moderniser un peu, tu vois, quand même en termes de saut, de gameplay. C'est pas exactement comme dans le 1, ils ont dû repenser un peu le truc. Mais tu vois, ils font leur devoir, tu vois, dans le docu, ils jouent à Mario 64, ils réapprennent les principaux, c'est une bonne ref, mais c'est juste que tu te dis entre temps, en fait, aujourd'hui, il y a des choses effectivement qu'on sait faire. Tu te rends compte que tu es en train de réviser Mario 64, donc ok, c'est vrai que c'est important, tu vois, mais est-ce qu'on en est là, tu vois? Non, mais surtout que Rift Apart, il est sorti, c'est 2020 ou 2021, Rift Apart, c'est là, tu vois la différence entre les deux jeux, c'est violent. Et d'ailleurs, ils y jouent à Ratchet & Clank. Ils y jouent aussi parce que, évidemment, c'est une ref. Mais quand tu vois à quel point c'est clean, tu vois, sur les sauts muraux aussi. C'est des trucs, c'est pas bien fait aujourd'hui. Tu es là, non, les gars. C'est bizarre. En fait, et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment aussi une question de ressources humaines. On sent, en fait, il y a personne qui a vraiment l'XP de faire ça et ils doivent apprendre. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce que nous, on se disait, dans les écoles, en fait, quand tu t'apprends à faire du jeu vidéo, faire de la plateforme et du 3D, c'est un des trucs normalement qu'on va t'enseigner. Néanmoins, il y a quand même une différence en fait entre enseigner et pratiquer et emmener de la maîtrise de la plateforme à un haut niveau. Et en fait, les gens là, il y a personne en fait dans cette équipe qui a fait de la plateforme à haut niveau et ça se voit en fait que c'est médiocre at best. Et ça permet d'ouvrir une micro parenthèse sur cette idée justement que le savoir-faire dans le jeu vidéo et l'industrie, c'est quelque chose de essentiel. C'est-à-dire que vraiment t'as des équipes qui vont se déplacer ensemble parce qu'elles savent qu'elles ont telle personne pour tel type de truc, un domaine très spécifique de jeu vidéo ou de la programmation ou d'un domaine de design, elle est calée et elle sait faire, elle a l'expérience, elle a shippé 12 jeux de ce style-là et donc ils la gardent en fait avec eux parce qu'ils ont besoin de ces personnes-là. C'est vraiment un truc que j'ai pu constater au cours de toutes mes visites de studio ou même dans le consulting. T'as vraiment des gens en fait, leur job c'est toi tu t'occupes de ça, lui il fait les sauts, il sait faire les sauts, on lui demande, lui il sait faire telle animation de combat, on lui demande de faire telle animation de combat, etc. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas cette espèce de savoir-faire généralisé, standardisé. Ouais. Tu vois, tu peux pas acheter un bouquin, tu vois, c'est pas comme t'as pas la collection O'Reilly ou tu peux t'acheter un bouquin genre la programmation pour les nuls, t'es pas là genre la plateforme 3D pour les nuls, ça n'existe pas. Il y a pas un livre qui va t'expliquer les bons us et puis même après c'est aussi il y a quelque chose d'un peu artistique quand même ou même d'artisanat en fait dans cette façon de créer des sauts. Et en fait si t'as personne qui a cette expérience là qui doit juste apprendre, le résultat va pas être incroyable. Et du coup, clairement, pour des gens qui ont en plus joué pas mal à des jeux de plateforme 3D, qui ont joué à des références, et ça, c'est tout l'inverse de Mario en fait. Mario, ça fait 25 ans que les mecs là, ils sont là et ils transmettent en plus leur savoir parce que au Japon, c'est beaucoup plus hiérarchisé et tout. Il y a ce truc là, il y a cette culture en fait au sein de la boîte qui est vachement rigoureuse, mais du coup, le savoir se transmet. Et là, on le voit dans Psychonauts, il y a personne qui a pu transmettre ce savoir là et ça se sent sur la plateforme, ça sent aussi sur les combats. Ça, c'est vrai que les combats sont vraiment pas passionnants aussi. Il y a en fait, en termes de design, de philosophie, on voit qu'il y a des ennemis de types différents et tout. Il y a les bonnes règles en fait, c'est-à-dire qu'il y a les bonnes envies, les bonnes intuitions, mais en fait dans le game feel, dans le rythme, dans la façon de la vitesse des déplacements et tout, tout est un peu approximatif. Non, c'est un bon moment de rappeler que le jeu vidéo c'est vraiment une histoire de sensations et de feeling, et que ben si ça y est pas, si c'est pas en fait quand ça y est, t'y fais pas gaffe. Exactement. À la seconde où il y a un truc qui déconne, tu le sais instantanément. Et là vraiment sur ce jeu-là, c'est un bon exemple entre guillemets, c'est un mauvais exemple on va dire de l'importance de ce core gameplay et de ces 3C. Quoi. J'ai pas analysé, mais je crois qu'il y a pas de feedback en fait quand tu tapes sur un ennemi, donc de feedback, donc une vraie réaction quand tu tapes. Tu vois, j'ai l'impression juste qu'ils clignotent, mais ça les bloque pas dans leurs animations. Tu sais, maintenant beaucoup dans un jeu de combat, tu vas avoir des fenêtres où en fait tu vas les taper et ils vont être un peu de stun. Tu peux aller des animations, deux trois coups. Exactement. Tu vas avoir un dernier coup qu'il envoie loin ou en l'air ou quoi, et après il va faire les envoie par vague en général, parce qu'au bout d'un moment tu vas avoir 15 senseurs avec leurs petits tampons qui se courent après. Mais là ils sont après t'as des gros, tu vois, des gros senseurs ou des mecs avec des marteaux, ou t'as le juge, et je crois que c'est, enfin tu n'interromps jamais leur attaque en fait. C'est toujours ils ont leur pattern, ils sont rigides et ils vont juste clignoter quand tu les tapes. Et ça aussi c'est aujourd'hui, en fait, c'est plein de trucs que en fait on prend pas le temps de les analyser, on les voit pas forcément, mais comme tu le dis, il y a plein de choses qui sont pas là, et c'est vrai que bah voilà, ça rend les combats pas passionnants, toujours un petit peu longuets. Et puis les boss, il y a aussi les boss qui ont été faits vraiment très tardivement dans le développement. Ça on le voit, on le sait que c'est vraiment le truc qu'ils ont laissé. Oui, on s'occupera des boss. Et là bah ils ont dû faire 5 boss en 10 mois, alors que bon normalement c'est limite 10 mois de design boss, et en termes de design, enfin, oui, c'est vraiment du basique, c'est des boss vus et revus et éculés. Esthétiquement c'est toujours on va y venir, vous inquiétez pas, là on casse un peu du sucre, mais on va vous expliquer pourquoi on aime bien quand même le jeu. Mais c'est vrai que tu sens qu'en termes d'idées de boss, tu sais, t'as ce coup de bon bah on va être sur une grande plateforme, le boss il va avoir des tentacules, il va jeter des objets, il faut lui renvoyer les objets, t'es là Ocarina of Time, c'était en 96 quoi, donc 98 ouais. Je crois qu'elle disait la art director que oui, un bon boss c'est environ 5 mois, et comme tu le disais, tu vois, ils ont mis genre moins de 10 mois pour 5 boss, et tu vois voilà, ça fait comprendre le truc. Après les combats, je trouve que ça s'améliorait un peu vers la fin, parce que tu finis par avoir différents pouvoirs, différents ennemis qui vont avoir différentes faiblesses, et donc t'as un côté un peu plus échec, tu vois, tu joues aux échecs un peu, alors le bon pouvoir sur le bon ennemi au bon moment, c'est un peu plus intéressant, mais bon ça reste très moyen et ça reste pas ouf. Et les boss, c'est vrai qu'ils sont longs, c'est quand même des gros sacs à PV, et moi c'est vrai qu'au bout d'un moment je suis passé en mode combat narratif parce que j'en avais ras-le-bol. Je suis mort une fois de trop, et après quand j'ai dû recommencer tout le boss, j'ai fait allez, je suis pas là pour ça en fait, parce que je veux pas subir ça, et j'ai l'impression que, et c'est pas là où le jeu brille en plus. Oui, de toute façon, et tu te dis bah en fait c'est peut-être un peu trop à l'ancienne, et peut-être ils ont pas compris comment bien utiliser la plateforme et ce genre de mécanique un peu à l'ancienne pour les remoderniser, les rendre juste ok, c'est un peu là, c'est joli, et il faudrait que ça soit propre, mais c'est pas le cas en fait. Y a au moins un truc cool, c'est que le jeu ne va pas taper dans la difficulté. Tu vois, en termes de platformer, on l'a dit, c'est pas ouf, mais c'est pas très difficile, y a pas vraiment de challenge, et tant mieux, parce que ça aurait pas été agréable. Le jeu, ça aurait pas été agréable de refaire les trucs, de retester. On en discutait dans la préparation, vous savez, je sais que on parle d'Itextoo, il y a un boss comme ça où on est sur des rails et on doit lui tirer dessus par derrière et tout. En fait, ça, Sakono serait incapable de le faire parce que les mécaniques sur les rails, ça ne tiendrait pas la route avec une tension et une charge cognitive supplémentaire de devoir gérer. Ce serait un enfer de faire ça. La caméra qui tourne, il ne pourrait pas gérer. Mal, quoi. On a beaucoup d'ailleurs comparé Itextoo Sakono 2. Je commence à perdre mes mots, il fait très chaud. Et dans la préparation, parce que c'est un peu des jeux opposés, on aimait, tu vois, c'est le côté Psychonauts 2, il a l'univers, il a l'histoire, il y a un truc qui est vraiment qui te prend un peu au trip, ce que n'a pas du tout Itextoo à titre personnel. Je m'engage pour vous, il y a pas de souci. Oui, mais oui, par contre, le reste est super carré. Enfin, vraiment à jouer, c'est très agréable. Itextoo, c'était très carré. Et ça là-dessus, ils sont intouchables, quoi. C'est vraiment deux jeux qui sont un peu opposés dans leur façon d'approcher les choses. Et c'est vrai que forcément, du platformer 3D, il y en a plus beaucoup de ces jeux comme ça. Mais c'est vrai que c'est difficile à accepter qu'il y a un truc qui est pas forcément le niveau. Sans parler du fait que voilà, c'est aussi du collectathon à ad nauseam, quoi. Ah, c'est ouais. vraiment les stickers là les à choper, les stickers là. Les bagages émotionnels, les machins, il y en a de partout, des trucs à collecter, t'es là, et en plus t'as une petite surcouche de RPG parce que c'est un fucking jeu vidéo, oui, et qu'on est en 2020. C'est trop bien de vouloir dépenser 20 000 trucs pour pouvoir augmenter un petit peu ton truc, enfin bref, voilà. plein de choses, t'es là, t'es, ça a pas besoin de ça. C'est un peu un défaut du jeu, je trouve. Tu vois, on va revenir là, vous inquiétez pas en détail là-dessus, mais la licence Psychonauts, l'univers et tout, c'est un gros atout, mais en fait, la recette Psychonauts en termes vraiment de gameplay, ils l'ont absolument pas questionné, tu vois, c'est le même truc, c'est vraiment la même recette, et c'est pas forcément une bonne idée. Ouais, c'est ça, c'est qu'un jeu de 2005, c'est peut-être pas la meilleure ref à prendre pour un jeu de 2020. Surtout quoi. Un jeu de 2005 qui, même au niveau de son gameplay, déjà en 2005, était genre bon, ouais, ouais. Voilà. Et en vrai, je me fais la même réflexion, même sur le scénar, tu vois, en vrai, c'était un peu compliqué pour rien, parce que ça veut se reposer sur des persos du 1, faire leur backstory et tout, mais du coup, faut te réexpliquer un peu des choses, et tu fais, bah, franchement, on repartait vraiment sur des basses scènes, je pense que ce sera le mieux pour tout le monde. Enfin, c'est ma take, en tout cas, sur le jeu, que ce soit gameplay ou histoire. Hein. C'est ta take. Très bien. Et ben, on va pouvoir quand même passer aux autres choses qui nous ont un peu plu, mais voilà, on voulait s'attarder un petit peu sur ces fondamentaux, parce que c'est quelque chose qui restera un poids, en fait, tout au long de l'expérience de jeu, malgré tout. Et ouais, qui si vous l'avez pas fait, vous allez, enfin, de toute façon, vous allez le sentir, ouais, très vite. Hein, vous allez le sentir. Mais donc là, c'était beaucoup le niveau micro. Au niveau macro, donc sur les niveaux, on l'a dit que c'est un jeu qui a beaucoup été pensé comme ça, et même si ça a été très compliqué pendant le développement d'aboutir à ces fameux niveaux Psychonauts, parce que c'est un truc qui avait fait l'identité du premier, c'est un jeu qui est devenu culte pour ces niveaux, le fameux niveau là du Milky Man là, avec où ça partait dans tous les sens, on avait la tête à l'envers et tout. Je sais même pas si on l'a dit une fois de tout l'épisode, désolé, mais le concept c'est qu'on va dans la tête des gens, le cerveau si, des si, gens si, et on l'avait voit, dit pour l'histoire. Oui, voilà, l'idée ça va être de rentrer dans le cerveau de personnes, et en fait bah ces personnes elles ont leur univers, elles ont leur psyché. Voilà, exactement, leur psyché, qui est métaphorisée, représentée par différentes choses. Voilà. Même nous, on est dans des niveaux, voilà. Exactement, qui sont ça. Et c'est ça, en fait, en gros, le niveau. Et c'est vrai qu'on va en traverser certains qui sont vraiment sympas, et on comprend assez vite comment ça marche. Moi, c'est vrai que bah, j'avais pas fait le 1, donc je connaissais vraiment de loin. Et le premier, t'as ce niveau donc, qui mélange le casino et l'hôpital, où ces deux mondes qui se rencontrent, on sent que vraiment, ils font un mélange comme ça, une sorte de vraiment un patchwork. Ouais, il force un peu le truc. Il force le truc. Et donc, c'est un hôpital où bah, tu dois jouer à des jeux d'argent pour récupérer, toi, avoir une grève du cœur et des trucs. C'est vraiment un truc assez infernal qui est en train de se passer là-bas. Et juste, petit fun fact, moi, dans le docu, donc j'ai vu le docu avant de jouer au jeu et je voyais que ça, je voyais qu'il y avait ce concept et je pensais que c'était un commentaire politique, tu vois, sur la santé aux États-Unis. Ouais. Tu vois, ce côté vraiment, bah, les patients, c'est un peu des joueurs à qui tu soutires de l'argent, tu vois, ce côté casino. Et en fait, absolument pas. Non, non, il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment ça. Dans la forme, complètement, mais ça, c'est pas du tout. Ça représente la psyché du personnage de Hollis, exactement. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu. C'est un peu weird. Moi, quand j'ai commencé le jeu avec le truc d'anti, j'étais là, j'étais. Oh, est-ce que c'est vraiment la meilleure ouverture là, d'avoir des bouches qui ont des zips dessus j'étais un peu perturbé. Pour moi, c'est pour ça que le jeu, il est cool aussi. Il a son délire. Mais c'est vrai qu'après, je suis un peu plus rentré dedans quand même, juste avec le niveau hôpital. Il y a d'autres niveaux qui m'ont marqué. Moi, j'ai bien aimé celui qui était un peu en sphère, un peu à la Mario Galaxy. Comme ça, on est sur une espèce de petite planète qui va mélanger justement. Alors, c'est un personnage qui a un problème d'alcoolisme et d'isolation. Donc, c'est différentes îles en fait qui sont séparées les unes des autres et on va naviguer comme ça dans des bouteilles. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc très très fort par contre sur la tech où c'est, tu sais, les portes qu'on traverse où tu sais, il y a des. On traverse une porte et tu sais, on est dans des espaces qui sont plus grands que ce que laissait supposer le volume qu'il y avait autour de la porte. Et ça, je sais que je me souviens quand le jeu est sorti, les gens sur Twitter, enfin les développeurs notamment, étaient dingos parce qu'ils disaient waouh, les transitions elles sont incroyables. Genre, comment vous avez réussi à donner cette transition d'espace pour les portes? Parce qu'on sait que les portes c'est difficile à faire dans les jeux vidéo. Et ça, c'est vrai que ça avait impressionné. En plus, c'est son petit outil, il a une petite porte qui jette sur le crâne de quelqu'un quand il veut se jeter dedans. Exactement, mais voilà, il y a des effets un peu de vertige qui sont créés. Et ça, c'est vrai que c'était assez efficace. Moi, j'avais bien aimé aussi la bibliothèque là de Cassie avec ses différentes personas, races archétypes et tout. Et puis il y a un autre niveau qui est marquant, c'est celui sur le LSD aussi qui est quand même, alors c'est pas le niveau sur le LSD, c'est juste qu'en fait c'est un niveau reconstituer un des fondateurs là qui s'appelle Helmut je sais plus quoi là, le Viking, on va l'appeler Obélix Viking, et en fait il a perdu ses sens, ils sont tous séparés, on a retrouvé son cerveau au fond d'une espèce de bibliothèque de cerveau là chez Otto l'inventeur, et il a juste sa conscience mais il a plus aucun sens, donc on va aller rechercher ces différents dans le sens, et ils sont partis dans un délire psychédélique années 70, Woodstock. C'est une sorte de gros festival de musique, et en fait, bah, tout le niveau, c'est de remettre les sens, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, tout ça. Et c'est littéralement un nez, un œil, une oreille, une bouche. Exactement, tout le niveau est composé de ce genre de trucs, et surtout, bah voilà, les couleurs, le choix des couleurs et tout, c'est vraiment le truc psyché. Voilà, vraiment Woodstock. Si vous voulez étalonner votre écran, là, c'est le bon moment. Acide à fond, quoi. Et c'est vrai que c'est un niveau qui est vraiment chouette esthétiquement. Moi, j'avais mon niveau préféré, je pense, c'est celui des marionnettes où t'es dans une espèce de jeu télévisé où t'as une grosse marionnette, mais vraiment, quand je dis marionnette, c'est qu'il y a une main dedans, a priori, tu vois, tu vois des bouts de bras ou quoi, et qui sont beaucoup plus grandes que toi. T'en as une qui présente du coup une espèce de show télé où tu vas devoir faire à manger, et c'est des gens du public. Alors, c'est dans le public, t'as des oignons, t'as un cochon, va falloir les découper, et eux, ils sont trop contents de se faire découper, bouillir dans l'eau, machin, donc t'as un truc un peu décalé, et t'as un jury composé de 3 marionnettes, et voilà, va falloir les satisfaire. On reviendra dessus en détail, mais il y a plusieurs anecdotes en plus intéressantes à raconter dessus. Et c'est vraiment, et chacun de ces niveaux, en fait, est, comme on l'a dit, une matérialisation des différentes personnalités et des traumas éventuels qu'ils peuvent avoir, et c'est ça, en fait, l'objectif, ça va être d'en mettre tout l'idée, ça en place. L'idée, c'est de donner, en fait, une sorte de variété à l'ensemble, quoi. C'est-à-dire que t'as vraiment, à chaque fois que tu vas aller dans un nouveau niveau, il va y avoir une espèce de nouvelle idée, un nouveau truc, tu vas explorer quelque chose d'un peu différent, et l'objectif, c'est que ça soit un peu, effectivement, pas comme ce qu'on a l'habitude de voir, parce que tu sais, je pense, le jeu est assez ouvert, hein, il faut le dire, on peut quand même aller librement un peu partout, on peut se balader comme ça, là, après le casino, on peut se balader un peu où on veut, on peut d'ailleurs aller croiser notre famille qui a posé sa tente dans une petite forêt où tout est une question. C'est j'aime bien ce genre de délire, c'est pour moi la critique des youtubeurs, des titres de youtubeurs, parce que tu sais, c'est la questionable area, et en fait, tout est une question, est-ce que c'est une porte, est-ce que c'est un truc, ils ont un délire là-dessus, parce que je m'étais pris. Fallait lire les panneaux, je pense. Désolé les gars. Mais voilà, il y avait des bonnes blagues là-dessus, ça m'avait fait marrer. Et juste après, tu vas te retrouver dans le niveau, du facteur par exemple, où là, tu dois aller chercher une lettre. C'est un niveau qui gère vraiment c'est un jeu qui gère vraiment son rythme avec les niveaux. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y en a des très bien, mais ça peut être aussi un peu inégal. Il y en a certains qui sont quand même vachement moins intéressants, et notamment les niveaux de Ford. C'est vrai qu'ils sont pas super intéressants. Parfois, esthétiquement, c'est je trouve que parfois on penche dans la balance, où moi je commence à faire c'est pas très beau, enfin le niveau bowling microbe là, j'avoue que le faire du bowling sur des liquides verdâtres, ça m'a pas non plus enchanté plus que ça, et puis il y en a qui sont un peu moins intéressants, et surtout c'est que c'est réussi sur le plan esthétique et thématique, mais après sur le plan architectural, enfin voilà, c'est pas du tout des dingueries, hein, c'est quand même des jeux, des niveaux qui sont relativement linéaires, on suit les petits figments comme ça et on les récupère. C'est pas des niveaux point A, point B, à un moment donné tu vas voir un bouton à appuyer pour ouvrir une porte. Exactement, c'est pas des niveaux où vous allez vous renverser la tête en termes d'architecture. Moi, il n'y a pas de moment où j'ai fait genre waouh, ça c'est vraiment une idée incroyable que je n'ai jamais vue ailleurs. En fait, c'est vraiment ce qui renvoie et ce qui vous évoque en fait en termes d'univers, en termes d'imagination. C'est ça qui les rend intéressants, ces niveaux là c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste de se retrouver dans ce niveau LSD là, par exemple. C'est drôle de voir qu'ils ont pensé et qu'ils sont allés à fond dans leur concept, et ça marche, quoi. Tu vois, t'as cette espèce de voix qui te parle et qui te dit des trucs super trippants, du genre l'esprit de ouvre tout les monde, portes, tu vois, ouvre les portes de tes chakras, je sais pas quoi, et ça marche à fond parce que c'est drôle, en fait. Le jeu, il est drôle, d'ailleurs, je sais pas si on l'a dit, ils arrivent à bien manier l'humour. C'est rare, en fait, des jeux qui te font marrer comme ça. Moi, un des pouvoirs qui me fait le plus rigoler, c'est le pouvoir de se mettre à la place des gens, et tu sais, tu t'en sers pour détecter les clairvoyances, pour détecter des trucs, et tu vois comment les gens y voient Raz, et c'est trop drôle de voir comment certains adultes y voient les gamins comme des petits machins, des petites gremlins de merde là qui les emmerdent, et je trouve ça trop drôle, c'est de pouvoir se mettre à la place des autres et de voir un point de vue différent. Ça montre que le studio il pense à ce genre de truc, et voilà, ça m'avait bien plu. C'est ça, c'est en termes vraiment d'ambiance et de visuel, c'est très cool, mais c'est vrai qu'il y a aucune vraiment scène de jeu, tu vois, manette en main, où je me suis dit ce moment là j'ai passé un super moment, c'était trop bien, alors que It Takes Two, on disait c'est un peu l'inverse. Oui, c'est vraiment, de toute façon tout est old school en fait dans les mécaniques, donc mais c'est représenté d'une manière assez intéressante, et du coup c'est vrai qu'il se repose beaucoup sur la psychologie jungienne, donc avec des archétypes, des personas comme ça, des choses qui sont ils vont métaphoriser des choses de manière très premier degré pour créer leur niveau, et en fait à chaque fois ils y vont à fond, et je pense que c'est pour ça que ça marche bien, en fait. C'est que c'est pas si subtil, c'est pas très subtil, c'est très in your face, et tu comprends en fait très vite les enjeux de la chose, et ça leur permet en fait d'être à la fois super léger et en même temps de parler de trucs assez sérieux, quoi. Bah, il y a une démarche, parce que tu disais, voilà, dans les analyses, donc il se repose a priori assez souvent sur un peu l'idée de Carl Jung, hein, donc c'est de la psychologie début 20e, je crois, donc on va fêter les 100 ans, ou on les a déjà fêtés, je crois. Et ouais, donc tu disais, donc t'as les archétypes, donc ça, c'est un truc qui est vraiment dit explicitement dans la bibliothèque de Cassie, où elle dit, mais qui es-tu, Raz, est-ce que tu es la même personne que quand t'es avec ton amoureuse, ou est-ce que t'es la même personne que quand t'es, je sais pas, avec ta famille, ou voilà, donc ça, c'est un truc qui a été théorisé, c'est cette idée que bah, on est en fait un peu un amas de différentes personnalités en fonction des contextes sociaux qu'on veut renvoyer. On peut être différentes personnes, oui. Quoi. On est différents archétypes, ou tu vois, le niveau que. Dont je parlais des marionnettes, c'est le problème de la personne, c'est qu'elle elle se sent jugée en fait constamment, elle a peur du jugement, donc il y a ce côté émission télévisée, t'es filmé, il faut faire à manger pour des marionnettes qui vont te juger, et au début elles ont des retours très moyens, genre it's slightly acceptable, tu vois, c'est ce genre de truc où c'est genre moi c'est ok ton truc sans plus, et il y a cette idée au début, il ose pas, j'ai oublié son nom, mais la personne que t'aides, c'est pas lui qui ose parler, c'est Raz qui parle à sa place, parce qu'il faut convaincre un peu, faut un peu bullshiter le plat, dire faut pas juste dire les ingrédients, faut dire j'ai mis une pincée un peu d'audace, c'est dans le truc, là, sur son lit de fruits du jardin, et vers la fin il ose bullshiter, et à la fin il prépare vraiment lui-même les plats, t'envoie les ingrédients, parce qu'il y a ce côté, il accepte de recevoir de l'aide d'autres personnes, mais il va quand même aussi prendre l'initiative et faire des trucs. Et l'autre anecdote qui est rigolote là, beaucoup plus sur la forme et la conception, c'est que ce niveau à la base c'est une game jam de, on avait cité, enfin c'est un jeu de game jam de l'Amnesia Fortnite qu'ils ont fait en plein Psychonauts 2. Ils ont pris 2 semaines en fait en plein dans la prod pour faire ça, parce qu'ils se sont dit voilà, c'est un peu la tradition, on fait ça tous les 2-3 ans. Et donc il y en a un en plus, voilà, au fond de l'anecdote, c'est un mec du docu qui a pitché son jeu, et on lui a dit bah ok, ton pitch il est cool, vas-y, tu vas devenir directeur de ta petite équipe de, je sais pas, 5-10 personnes. Et c'était voilà, il fallait satisfaire des dieux, voilà, t'as des aliments, faut les trouver, faut les découper, avec des ateliers en fait, découpe, réchauffe, un côté un peu overcooked, il y a des trucs qui prennent plus de temps que d'autres, tu vas pouvoir faire des choses pendant qu'il y en a d'autres qui se préparent, etc. Et en fait, littéralement tout ce concept et un peu les notions un peu d'échelle et tout, bah ils ont repris ça et paf, ils en ont fait un niveau de Psychonauts 2, et ils arrivent en plus à faire un truc qui raconte quelque chose de psychologie et tout, parce que bah voilà, chaque niveau ça va être un peu de réparer des choses, de recréer une connexion ou de déculpabiliser et tout, donc par une phase, et ça passe par une phase introspective, c'est oui, ça c'est aussi ça. De ce que j'ai vu comme dit voilà Wikipédia 10 secondes de Carl Jung, c'était ce côté c'est en tu toi es donc tu... un expert, exactement. Je suis un expert Twitter, et donc tu vas chercher un peu en toi, tu vois, la source des problèmes, et tu vas trouver la solution. Alors voilà, comme dit, je sais absolument pas si cette personne a raison ou tort, on s'en fout, parce que de la psychologie d'il y a 100 ans tu prends des risques, mais le jeu en tout cas c'est inspiré de ça, le jeu traite ça comme ça. Et ouais, chaque niveau bah ça va être de comprendre le problème, comprendre ce qui se passe, essayer de démêler un petit peu ce qui crée le trauma, la souffrance, l'angoisse, et essayer de réarticuler les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'aimais bien le côté là, le lien avec les différents mots, parce que ça permet ce côté de rebrancher les choses. Je trouvais que c'était assez intéressant. Et ouais, moi j'avais bien aussi aimé le niveau là des différentes personas, parce que je trouve que c'est un truc qui me parle en fait, ce délire d'être un peu des personnes différentes, et qui parfois peut être un peu paradoxal, tu vois, d'être de telle façon avec telle personne et de ne l'être pas du tout avec d'autres, parce que c'est des contextes qui sont différents, et pourtant en fait c'est tout ça qui fait ce que tu es. Et je trouve que en fait le jeu arrive à bien exposer ces différents concepts, et à surtout bien les mettre en image, en univers, en niveau, et ça je trouve que c'est quand même assez fort. Et ils ont plein de petites intuitions, tu vois, même au niveau des ennemis, du bestiaire. Moi j'ai beaucoup aimé, il y a les regrets, il y a les machins, les remords. Ça vraiment en termes d'humour, ça définit tellement bien ce que c'est Double Fine, je trouve que ça marche très bien, tu vois. Les regrets, c'est quoi? Ils ont imaginé des petits machins qui ont des petits poids, qui ont un poids comme ça, et les poids des regrets qui te trimballent, qui te nuisent, et qui les lâchent à la gueule. Les doutes qui te ralentissent, parce que du coup, au lieu de prendre une décision, en fait, tu es en train de douter, donc tu restes un peu sur place, donc c'est des espèces de tas de morves qui te ralentissent au sol. Et puis, il y a les fameuses les crises d'angoisse, qui sont vraiment des trucs un peu insaisissables comme ça, qui sautent dans tous les coins. Et moi, pour avoir fait des crises d'angoisse dans ma vie, c'est vrai que clairement, je sais que c'est un truc qui, en fait, ça te chope comme ça, et la seule solution, c'est juste essayer de ralentir l'activité, de respirer, etc. Et donc là, t'as le pouvoir de ralentissement du temps, et c'est comme ça que t'arrives à les combattre. Et je trouve que, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas si compliqué, c'est juste des ennemis et tout, mais la manière dont ils ont de les présenter, de les transformer, de les intégrer dans l'histoire du jeu, ça marche bien, quoi. Et ils ont plein de petites intuitions, justement, pour faire du sens, créer du sens avec du gameplay. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est assez moderne, en fait. Bah ça, oui, c'est vachement moderne. C'est vraiment, et ça, c'est ça le jeu vidéo moderne. Et c'est ça que j'aurais aimé. à voir un peu partout sur toutes ces mécaniques et pas simplement à des trucs de combat qui sont un peu bateaux ou de la plateforme qui est pas si intéressante, mais de rester peut-être sur de la plateforme qui est peut-être basique mais soignée, mais par contre qui est beaucoup plus porteuse de sens. Ça, j'aurais aimé que ce... là pour moi on aurait passé vraiment un cap, quoi. Oui, parce que au final ça devient tu vois, t'en as qu'on du sens sur la crise d'angoisse, elle arrive quand t'es dans le niveau du LSD, parce que ça caractérise un moment justement, il est inondé par les sens que tu viens d'apporter, ou bah celui dont je parlais tout à l'heure, c'est là que t'as l'ennemi, le juge, avec son gros marteau, voilà, qui vient te taper. Mais en fait ils en font juste après des mix d'ennemis, en fait c'est juste des implémentations. Exactement. Et après voilà, t'en as plus combat design qui reprend, tu vois, c'est Doom. Après c'est genre bah on fait une composition d'ennemis, amuse-toi avec, tu vas les retrouver partout, il y a plus vraiment de sens, quoi. Alors que juste l'utiliser une ou deux fois pour des moments en fait narratifs, ce serait peut-être beaucoup ou avoir un boss peut-être qui tourne autour de ce nouveau concept que tu reverras pas ailleurs. Exactement. C'est vrai que les crises d'angoisse, quand j'ai vu qu'elles pouvaient arriver par 3 ou 4 après, j'étais là genre ah ouais. Bah oui, c'est plein de petits senseurs avec leurs petits marteaux. C'est juste de la composition d'ennemis. En fait, ça, la première fois que tu la rencontres, tu fais ah c'est super intéressant et tout, ça marche bien et on me raconte quelque chose. Et en fait, bah voilà, derrière ça devient juste du combat design. Et puis après, qu'est-ce que j'avais noté? Bah j'ai noté Raz Archetype, c'est le sang, voilà. Il est trop drôle. Ouais, il est trop drôle. Donc c'est une version vraiment basique en papier de Raz et voilà. Et après, à un moment, il se transforme en avion, il fait comme ça et moi j'étais mort de rire. Voilà, je suis un homme simple après tout, mais voilà, en fait un jeu qui manie vachement bien l'humour et surtout encore une fois qui arrive à traiter, je trouve, les différentes thématiques, parce que ça parle d'alcoolisme, ça parle de choses en fait qui sont graves, tu vois, des traumas qui peuvent être forts et qui peuvent résonner en plus avec les gens qui jouent au jeu. Et je trouve qu'ils arrivent à les traiter à la fois avec la légèreté qui est un peu caractéristique du jeu, mais aussi avec une certaine gravité quand il le faut, et ils ont un vrai équilibre qui fait que bah en fait ils en font pas trop, en fait c'est ça, ils en font pas trop et il y a une certaine justesse là-dessus. Et je trouvais que ça ça a fait que le jeu, moi j'ai passé un bon moment dessus parce que justement il y avait cette justesse. Du Raz Archétype, en fait, c'est vachement intéressant parce que du coup, c'est le pouvoir dont tu te sers pour te faxer et t'envoyer dans des trucs. Et en fait, ton archétype est unidimensionnel parce que t'es vraiment la version la plus basique de toi. Ouais. Donc, t'es une feuille de papier, tu vois, t'es fine, t'as aucune épaisseur. Et c'est drôle parce qu'ils disent, bah ouais, c'est quelqu'un qui a aucune épaisseur. Bah, du coup, littéralement, il a aucune épaisseur et on le fait balader. Il peut passer à travers des grilles de des barreaux d'une prison ou quoi que ce soit. Et je trouve ça marrant parce que tu vois, ils prennent ça vraiment au pied de la lettre et ça donne un côté assez joyeux. Alors, c'est pas forcément un jeu que je conseille de faire avec vos gamins en bas âge, ado, à mon avis, ça peut encore fonctionner plutôt bien, donc c'est cool à faire. Et puis après, finalement, sur la grosse histoire que le jeu raconte, on disait que c'était pas le plus intéressant, mais néanmoins, je trouve que c'était quand même un bon choix, finalement, de se centrer autour de ces différents personnages, parce que on va se rendre compte que c'est des personnages qui ont tous des traumas et des problèmes différents, que ça a créé des soucis entre eux. Et finalement, c'est un jeu qui parle fondamentalement d'empathie, c'est-à-dire de rentrer littéralement dans le cerveau des gens, d'essayer de comprendre ce qui se passe en eux. C'est ça, en fait, le Psychonauts, c'est d'être en empathie avec les gens, d'essayer de les comprendre, d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors là, dans le jeu, c'est caricatural, tu vois, il y a le mec alcoolique, voilà, on va résoudre trois combats et c'est bon, on solutionne. Ça marche pas comme ça, évidemment, dans la vie, c'est beaucoup plus sur le temps et ça demande un travail phénoménal pour sortir de ce genre de problème. Mais néanmoins, je trouve que ça permet de comprendre en fait tout ce qui se passe dans l'esprit des gens de manière un peu condensée comme ça, et de faire cette expérience là en fait de l'empathie, et c'est cool en fait, un jeu qui parle de ça et qui le met dans son univers, et c'est pour ça que je me dis que fondamentalement Psychonauts c'est quand même une super idée, enfin la piste est vraiment bien, quoi. C'est une vraie belle licence qui a des choses à raconter et qui peut en termes de mise en jeu apporter des choses vraiment vraiment intéressantes. Et puis des personnages qui sont assez touchants aussi, tu vois, vraiment, on arrive à, même si on les voit pas tant que ça, on arrive bien à les comprendre. Et puis encore une fois, l'écriture fait que voilà, ça marche bien, les dialogues, c'est jamais trop caricatural, ça touche plutôt juste. Et je pense que voilà, si on peut lui dire plein de choses à Tim Schafer, tu vois, clairement sur son management et tout, mais sa façon d'écrire les dialogues, bon, on peut pas lui enlever qu'il a, non, il a non, quand non, même non, un y certain y a vraiment talent un là-dessus. Style, il y a un humour. En plus, ce qui est cool, c'est que l'humour se traduit dans la plupart des cas, les efforts de localisation fonctionnent. C'est cool parce que tu vois, on a des images similaires. Le bagage émotionnel, c'est un truc qu'on peut dire en France. Le poids des regrets, c'est un truc qu'on peut dire, etc. Donc ça fonctionne bien, justement. Et parce que évidemment, le jeu n'est doublé qu'en anglais. Mais si vous pouvez le faire en plus en anglais, je trouve qu'il y a ce petit truc supplémentaire où tu sens vraiment qu'il y a une espèce de finesse dans l'écriture. Et moi, ça me fait penser, tu vois, à des Gaiman, des trucs comme ça, qui sont vraiment des auteurs purs et durs. Oui. Et tu retrouves en fait cette justesse et ce plaisir de jouer avec les mots et de faire un truc comme ça. Et je pense que c'est ça, hein, la la force en fait de l'écriture de Schaeffer. Mmh. Je pense que c'est bien pour amener la conclusion, parce que cette idée que c'est une belle licence, c'est pour moi c'est une idée qui est très forte, parce que ça montre en fait comment tu vois comment ça se gère aujourd'hui un catalogue de jeux. On est vraiment à une époque aujourd'hui où on est en train de voir arriver la naissance des grosses plateformes, le Game Pass, les choses comme ça, où le jeu vidéo et l'industrie et la façon dont on le consomme sont en train de se recentrer beaucoup autour des IP, autour des franchises, hein. C'est la même chose au cinéma et dans la culture populaire. Et un truc comme Psychonauts, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait tellement être facile à faire amener. Tu vois, demain, tu me dis, il y a une série Psychonauts sur Netflix, mais je dis oui direct. Ouais. Autant, tu vois, le live action One Piece, je m'en bats les reins. Ah. Par contre, le tu vois, l'arrivée avec un ce style-là. Non, mais cette arrivée avec ce style-là, en plus cartoon, qui est vraiment très particulier, en dessin animé sur Netflix avec Tim Schafer à l'écriture, moi, je signe direct parce que je sais que ça pourrait fonctionner. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer encore avec cet univers-là. Et je suis content, en fait, que le 2 ait fonctionné malgré, tu vois, ces soucis fondamentaux. Ouais. Parce que ça montre qu'il y a quand même un public qui est réceptif à ce genre d'idée. Et j'espère, à titre perso, que là, Microsoft, ils vont pouvoir les aider, en fait, tu vois, à vraiment exprimer le plein potentiel de ce truc-là. Parce qu'il y a, quelque chose, ils sont loin d'avoir, tu vois, exploré l'intégralité du truc. Ouais, et puis, tu vois, même tu te dis, rétrospectivement, je comprends vachement mieux pourquoi le premier est culte, en fait. Ouais, parce qu'il y a une intuition dans la façon d'essayer d'explorer des choses qu'on n'a pas l'habitude d'explorer dans le jeu vidéo, d'essayer de faire un jeu autour de la psychologie jungienne. Enfin, tu vois, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais quand il sort, il y a aucun jeu qui ressemble à ça. Hein. Et vraiment, c'est trop bien. Et je me dis que narrativement, en plus, ils ont plein d'idées pour amener des choses intéressantes. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait ces petits fondamentaux qui soient pas là, parce que je pense que sinon, on aurait plus profité de la chose. Moi, c'est vrai que plus que j'aurais aimé moins de complexité sur le gameplay, tu vois, et peut-être pas faire du platformer vraiment à l'ancienne, et un jeu qui serait beaucoup plus narratif et qui se contenterait en fait de plus ces dialogues et d'utiliser juste des motifs de gameplay pour raconter des choses, pour être vecteur de sens. Ça, je pense que j'aurais vraiment aimé, quoi. Sachant que le jeu, bon, comme on l'a dit, il est pas sur la pure plateforme, il mise pas sur la difficulté. Il est aussi sur un format un peu old school où c'est très tu fais un petit truc cinématique, ouais. Tu fais un petit truc dialogue, un petit truc cinématique. Donc le jeu, en fait, il est déjà assez narratif. Oui. Mais comme on l'a dit, voilà, sur les fondamentaux, ce serait mieux que ce soit peut-être un peu plus agréable. Pour moi, c'est soit tu fais un peu moins ou un peu plus court ou effectivement beaucoup plus narratif, ou bah juste, enfin, tu réfléchis à des nouvelles mécaniques de traversal, de déplacement un peu plus fun qui pourraient s'implémenter à chaque niveau. Enfin, tu vois, on l'a dit mille fois, mais It Takes Two, moi j'avais trouvé ça vraiment bien. Tu vois, chaque niveau, chaque chapitre a une nouvelle idée de gameplay en plus de nouvelles idées d'univers, de décor. Et je trouve, enfin, moi, It Takes Two, je le trouve trop bien. Le jeu. La mécanique résonne avec le décor dans lequel c'est malin, tu vois. Non, c'est sûr. Bah, si tu fais le match des deux et qu'on garde le meilleur des deux jeux, oui, on aurait un jeu qui serait assez fabuleux. Parce qu'une autre licence qu'on peut citer, alors moi j'ai jamais joué, mais t'as Persona, tu vois, qui est quand même un peu aussi dans cette approche, hein, tu vas un peu aller dans la psyché des gens, mais c'est vrai que là en plus t'as vraiment un ton, une DA qui est assez unique. Moi j'ai revu, je voulais vraiment pas rejouer au 1, mais j'ai vu tous les niveaux, tu vois, et c'est vrai que t'as quand même des bonnes idées. À un moment t'as deux cerveaux qui se mélangent et t'as deux univers qui se mélangent avec des représentations particulières. Ouais, c'est quand même, tu dis, ouais, c'est même aujourd'hui en fait, il y a des bonnes idées, comme tu le disais, il y a un concept, il y a un univers, il y a un ton qui fait que ouais, tu veux en voir plus. Et puis est-ce qu'il y aura un Psychonauts 3, on peut pas le savoir aujourd'hui, en tout cas on n'a pas les news. Peut-être que l'effet fin du game provoquera des choses dans le cerveau de Il y a déjà eu le Xbox Showcase, donc ça va être un peu compliqué. D'un point de vue stratégique, ce serait logique, puisque on l'a dit, c'est un succès, c'est un atout pour le catalogue Xbox, Game Studio, machin. Après, sur le plan humain, tu vois, en fait je sais pas, parce que Double Fine, on le disait, ce qui les définissait, c'était de faire plein de jeux différents assez courts. Et moi, je comprendrais, après avoir vu le docu et en ayant vu l'histoire, que les gens se disent, mais plus jamais, tu vois. Plus jamais comme le 1, en mode crunch, ça nous a épuisé, mais juste plus jamais trop long, l'organisation, et aussi en vrai un peu crunch, hein, et conditions de travail pas forcément faciles. Enfin, je leur en voudrais pas. Justement, en fait, c'est terrible, mais parce que la logique franchise, et puis même un peu productiviste, dirait, en fait, avec toutes les erreurs que vous avez fait, maintenant tout ce que vous avez appris, en fait, c'est là le moment de faire la version la meilleure, en fait, se dire ok, sur le plateforme là, ça y est, vous avez réappris, maintenant on affine, et puis aller peut-être plus loin. Moi j'aimerais un jeu un peu plus court, peut-être concentré sur tu vois, un seul cerveau. Moi j'aimerais bien que ça soit Raz qui va dans le cerveau de Tim Schafer, on visite tout ça et après ça y est, salut. Mais je me dis que il y a de la place, de toute façon c'est sûr, pour faire un Psychonauts 3, et peut-être quelque chose d'un peu plus fondamental, mais plus calibré, avec tout ce qu'ils ont appris. Parce qu'en fait, si c'est encore dans 10 ans et que tous les gens qui sont là, ça y est, ils se barrent, ils vont ailleurs, en fait, ça va être. C'est bah, rebelote, quoi. C'est un risque qui se termine jamais. Et c'est là où ça serait intéressant, en fait, de voir l'apport de Microsoft là-dedans, parce qu'ils n'ont pas juste du pognon. Normalement, ils sont censés aussi leur apporter un certain savoir-faire. Et donc, en fait, leur rôle aujourd'hui à Microsoft, idéalement, hein, je parle vraiment dans une version idéalisée, ça serait de les aider. Tu vois, c'est de faire en sorte que, ben, ils leur envoient des gens qui ne sont pas forcément là pour prendre la place des responsables de Double Fine, mais juste les aider sur leur gars, sur des choses un peu basiques, tu vois, leur apporter un petit peu du soutien sur des choses sur lesquelles ils sont un peu faiblards, pour les aider à s'exprimer et à faire un prochain jeu qui soit cool, quoi. Ouais, et puis de faire de voilà, Psychonauts vraiment une des licences fortes, en fait, de, ouais, de parce que pur jeu du Game Pass, ouais, hein, c'est vraiment, du double, ouais, tu vois, ça doit coûter, allez, 15-20 millions grand max. Je pense pas que ça coûte plus que 20-25 millions de dollars. Ouais. Donc c'est des jeux qui sont relativement faciles à financer pour Microsoft, c'est une pécadille, et du coup, ils peuvent les sortir, en fait, tu vois, ils pourraient limite faire bosser d'autres gens dessus. Alors, il y aurait pas cette qualité d'univers, donc ça serait dommage, mais tu vois, c'est vraiment ce genre de jeu-là dont ils ont besoin dans leur catalogue, quoi, des petites pépites qui sortent de temps en temps et surtout que c'est un jeu, tu vois, qui va pas faire front, qui va pas faire un tête-tête avec les jeux Sony, parce que justement, il y a une identité qui est totalement différente et qu'on n'est pas du tout dans cette même vibe. Et il y a pas ça en face, tu vois, et que justement, en plus, on a l'impression que Xbox, dans leur stratégie, ils avaient envie de miser sur des jeux qui étaient un peu comme ça, justement. Quand ils ont racheté Double Fine, c'est ça qu'on comprend, tu vois, parce qu'ils rachètent Double Fine, Exile, Obsidian, tu te dis, ok, ils veulent Ninja Theory aussi. Ninja Theory, tu vois, ils veulent une identité éditoriale différente, etc. Et on sent qu'à ce moment-là, aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas, ou en tout cas, bon, les derniers, on va dire, épisodes de la vie Microsoft avec Redfall, etc., sont pas forcément en leur faveur, mais on se dit qu'ils ont voulu faire ça à un moment donné, donc peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va porter ses fruits, quoi. Exactement. Et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur Psychonauts 2. On va pas vous mentir, il fait chaud. On sent bien la chaleur, dur, là, et le petit 34 degrés. Puis il y avait tout le contexte de dev. Enfin, c'était on a dit, fallait rentabiliser les dizaines d'heures passées devant le docu. On espère quand même que vous avez passé un bon moment. On vous remercie de nous avoir écoutés. On remercie une nouvelle fois notre sponsor Topacha. Si vous voulez vous fabriquer votre bécane pour l'été, c'est parti. Vous pouvez y aller, vous faire livrer pour passer des bonnes soirées fraîches, à la fraîche, à jouer à des petits jeux vidéo. Merci à eux, vous pouvez utiliser leur config-o-matic, voilà, n'oubliez pas le petit outil pour configurer votre PC. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. On l'a dit, on ne se retrouve pas dans deux semaines, on se retrouve, je sais pas quand, peut-être dans un petit courant mois, courant juillet, voilà, courant juillet, pour parler. De toute façon, voilà, pour être transparent, on enregistre plutôt fin juillet, donc oui, voilà, ce sera, mais en gros, ce sera dans ces eaux-là, exactement, ouais. Pour parler de Splinter Cell, on va, oui, voilà, on va faire des grands écarts au-dessus de la tête des gens, et ça va être formidable. Voilà, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, à la prochaine, ciao. Salut. Welcome to my